Fabien. On démarre le week-end avec le hit des clubs DJ Buzz jusqu'à minuit sur Energy. C'est une vanne. Attendez. Les amis, c'est une vanne ce qui vient de se passer. Alors. Est-ce qu'on présente quand même ? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ? C'est notre chambre ici. Non, mais par contre, la reprise, c'est lundi. Vous êtes au courant ? Comment ça se passe ? On est d'accord. Le problème, c'est qu'on n'a pas de Sam pour nous ramener. Du coup, on s'est dit qu'on va dormir à la radio cette nuit. Et on est venu pour faire une émission de radio. Ouais, mais il y a le Club DJ Buzz. Alors, on va le suivre, bien évidemment. Tu vas écouter quoi après ? Zao MHD. Très bien. Zao MHD, très bien. Ça me va très bien. Ce que je propose, c'est qu'on s'installe. Tu peux rester avec nous. Évidemment. Avec plaisir. Alors, vous l'aurez reconnu, c'est Manu dans le 6-9 avec toute l'équipe. Je suis venu avec tous les Wouah, ils sont là et on est en direct sur Facebook, donc si vous voulez Coucou voir, Facebook. Voilà, tu peux dire bonjour. Coucou, bonsoir. Et on est Facebook là, Manu dans le 6-9. Et on s'est dit qu'on pouvait faire une petite émission de radio là. Comme vous êtes des malades en fait. Improvisé parce que on aime ça, tu sais. Alors on s'est dit on sait pas trop ce qu'on va faire. Et puis Auriane a dit oui comme d'habitude. Donc on s'est dit ok, on va le faire. C'est génial. Mais alors on dit tout, c'était absolument pas prévu, mais genre vous êtes débarqué comme ça. Oui, alors on peut le dire au niveau de la sécurité, c'est très très léger, énergie. Mais on avait tous nos badges. Oui, c'est vrai. Ouais, on avait parié qu'Auriane ne passerait pas parce qu'elle avait peut-être pas son badge à l'arrivée. J'ai retrouvé mon badge, on dînait à côté, on s'est dit bon, on sait pas quelle boîte peut nous accepter à 11 personnes et on s'est dit on va aller à la radio parce qu'on a que ça à faire. Alors la vérité c'est qu'on voulait aller en boîte mais effectivement on s'est dit qu'on était mort à 8 mètres de nana. Ça passe pas. Vous êtes bronzé par contre, ça fait plaisir. C'est une vanne ? Non. Ah bon ? Ah non, bah, ça dépend qui. Il est bronzable. C'est parce que t'es resté dans le studio. C'est ça, ouais, ça doit être ça. Et tu ne te rends pas bien compte. Donc ce que je propose, c'est qu'on va s'installer tranquillement. Eh ben allez, venez. Écoute, si tu veux mettre Zao, mets Zao. On met Zao ? On se pose, tu peux rester avec nous. Oui. Et est-ce qu'il marche le standard du coup ? Le 0800. Alors très bien. Bon, voilà. Et ben, vous pouvez nous appeler 0800 70 42 48. Venez avec nous. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. On va s'amuser. On va rigoler. Ah ouais, voilà, exactement. Total freestyle. Oh, j'ai l'impression d'être en colonie de vacances. Oh là là là. Je suis tout excité. Les voisins vont bien. On a l'impression que, en fait, ce qui se passe, c'est que on est les garçons, on a fait une descente dans le dortoir des filles. Par contre, vous êtes vraiment des wouah en fait. Vous portez bien votre nom, c'est ça. Ouais. Et je voulais te voir, par contre, pour le doublage de salaire, comment on s'arrange parce comment, alors, c'est avec c'est le directeur des programmes d'énergie. Et là, je t'assure que c'est pas du tout la même. C'est vrai. Bon. Non. On fait qu'on envoie Zao alors. En voilà. Allez. J'appuie sur le bouton magique. On se retrouve juste après alors. Bah, on est là, nous, on va parler pendant le titre. Ah oui. Manu dans le 6-9 avec toute l'équipe qui vient de débarquer sur Energy. Sont pas bonnes, je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne, laissez-moi dans mon coin ici, l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas. L'ambiance est validée, c'est chaud. Le terrain balisé, c'est chaud. Laisse-les parler, demain on aura zappé, laissez-les coumas, laissez-les parler, laissez-les coumas, laissez-les coumas, laissez-les parler, laissez-les coumas, laissez-les coumas, laissez-les parler, laissez-les coumas, laissez-les coumas, laissez-les parler, laissez-les coumas. Qu'est-ce que tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mythe. Quand le bonheur s'approche les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle. Mais chacun sa version, laisse les croire. Laisse les acter, t'es dans l'hypocrisie. On gravit les paliers, éloigne-moi des soucis. Je suis fatigué, j'ai pas leur temps. Je m'enjaillis. Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Laissez-les coumas. Laissez-les parler. Laissez-les coumas. Laissez-les coumas. Laissez-les parler. Laissez-les coumas. Laissez-les coumas. Laissez-les parler. Laissez-les coumas. Laissez-les coumas. Laissez-les coumas. Laissez-les coumas. Laissez-les coumas. Laissez-les tout le monde bouge. Tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les parler. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. J'aime bien Zao. Eh ben c'est formidable. Ouais, j'aime bien sa voix. C'était ma critique musicale du jour. Ouais. Les amis, nous sommes de retour. Ouais. Ça y est. Après 2 mois sans vous avoir parlé. Alors oui, peut-être que vous vouliez absolument écouter le numéro 1 du Hit des Clubs DJ Buzz de ce soir. Ouais. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est Manu dans le 6-9 qui arrive ce soir. Alors c'est peut-être une bonne nouvelle aussi. On sait, Fabien, oui. Qui c'était le numéro 1. Non, parce qu'autant le dire maintenant, en fait. Est-ce qu'on spoil ou on dit maintenant? Bah oui, on va le dire maintenant parce que je pense pas qu'on va le. On peut le mettre directement. Oui. C'était qui? C'était Kungs. Et ben voilà. Le nouveau. Ben ouais. Ah, bon, on va le mettre après alors. Eh ben allez. Eh ben voilà, très bien. Et on l'annonce, compte. Le numéro 1 est... C'est quand même le hit des clubs DJ Buzz qui est passé le plus vite au monde. Ouais, mais c'était bien, non? C'est oui. Bah oui. Mais si tu veux, tu peux le continuer. En fait, le truc, c'est que je ne sais pas combien de temps on va rester. Ah. On vient d'arriver. Alors voilà, si vous venez d'arriver sur Énergie, d'abord, soyez les bienvenus. Bonjour. C'est Manu. Ouais. Je m'appelle Manu. Tous les matins, on est là avec vous entre 6h et 9h30 avec toute l'équipe de Wawa que je vais vous présenter dans un instant. On a fait notre dîner de rentrée, c'est-à-dire qu'on s'était dit, plutôt que de se retrouver le lundi, retrouvons-nous le vendredi. Mmh. On a été dîner, on était bien, on a pris un apéro, ensuite on a pris un deuxième apéro, ensuite on a pris un troisième apéro. Et au bout du quatrième apéro, il y a Auriane, elle a dit c'est cool, c'est comme à la radio. Et là j'ai dit putain, pourquoi ne pas y aller? Ouais. Et donc on s'est dit on va venir faire une émission. On n'a rien préparé, on est là, c'est juste nous. On avait envie de vous parler, ça faisait 2 mois que vous nous manquiez. Si vous voulez venir avec nous, eh ben vous hésitez pas. Normalement il marche. Le 0870 42 48. Je vous rappelle que c'est gratuit, ça ne vous coûte rien quand vous nous appelez. 0870 42 48, c'est gratuit aussi d'un portable. Vous pouvez y aller sur Twitter, vous mettez le hashtag Manu dans le 6-9. Laissez-moi vous présenter l'équipe de Wawa qui va être là avec moi toute cette saison. Et donc ce soir, normalement, si on arrive à terminer cette émission qui n'en est pas une, il y a Auriane. Eh oui, je suis heureuse d'être là. Elle est de retour. Nico du Web, évidemment. Salut, je suis en forme. Ah oui? Ah, il y a la clim ici, on est bien là. Ah bah, c'est le seul endroit dans la radio à peu près où il fait à peu près une température ouais, correcte. On est bien. C'est la seule radio qui a des pannes de clim pendant une canicule. On est bien. On se colle, on se découvre. On est très découvert, ouais. Il s'appelait Glandu l'année dernière, mais il a eu une promotion. Il était stagiaire, il s'appelle Glandu. Maintenant, on va l'appeler par son vrai prénom, Jean-Édouard. Bonjour à tous. Valentin sera là avec nous, il va nous aider. Je vais vous présenter. Vous savez quoi ce soir? On va aussi vous présenter l'équipe. Il y a plein de monde. Il y a Au Standard, il y a les gens en production, il y a plein de monde. On va vous parler aussi. N'hésitez pas à nous appeler. Et puis, vous savez quoi? Tant qu'on est là, autant vous faire découvrir des petites nouveautés. Il y a le nouveau générique de l'émission. Ouais. Ouais. Alors, c'est le même, mais il a été remixé. Mmh. Ok. Remixé un petit peu électro. Je le connais pas, moi. Eh bien, je vais vous le faire découvrir, écoutez. Et voilà. Eh bien, il est bien. Bah oui. Il est jeune. Ouais, en plus, on est dans le hit des clubs. C'est un peu dans le ton, du coup, le nouveau générique. Ah merde, parce qu'on voulait le faire électro. Tu dis qu'il est dense, c'est ça? Ah merde, on s'est raté alors. Bon, c'est pas grave. Vous voulez venir avec nous? On sait pas jusqu'à quelle heure on est, mais on est bien. On avait juste envie, en fait, de faire de la radio. Et en fait, en disant ça, je me dis, putain, il y a pas beaucoup. On a une chance de ouf. Ouais. C'est qu'il y a pas beaucoup de métiers dans le monde où on se dit, venez. On va travailler à l'usine, on va refaire des boîtes de conserve avant de revenir lundi faire des boîtes de conserve. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Et on s'en rend pas compte, hein. On a un métier qui est incroyable. C'est même pas un métier en fait qu'on fait. C'est une vraie passion qu'on a la chance de vivre tous les matins avec vous. Ouais. Et dans quel autre métier tu peux dire je vais aller sur mon lieu de travail à 22h30, dire à Roger qui est en train de faire les bouteilles de verre, attends, on va en faire avec toi. C'est un métier où on est en manque, on a besoin d'une dose régulièrement. Et ben c'est exactement ça. On est des junkies de la radio. On a besoin d'une dose. Voilà. Pour terminer le hit des clubs DJ Buzz, Fabien, tu nous l'as dit tout à l'heure, c'est oui. Kungs qui est numéro 1, c'est exactement. Ça. On va s'écouter Kungs et après on va vous prendre au téléphone. Allez, 0870 42 48 si vous voulez aussi nous parler. Il y a les réseaux sociaux évidemment, on est sur Snapchat, il y a Twitter, vous mettez le hashtag Manu dans le 6-9 pour nous laisser des messages. Il y a notre page Facebook, c'est facebook.com/Manu dans le 6-9 les amis. On est là pour je sais pas combien de temps, on va voir combien de temps on va rester avec vous. Peut-être un quart d'heure, peut-être une demi-heure, peut-être une heure. Ouais. Peut-être jusqu'à lundi matin 9h30. Ce serait cool ça. Voici Kungs tout de suite, c'est le nouveau. Bon réveil sur bonne soupe. Voilà. Vous savez quoi? C'est l'habitude. Ouais. Je vais dire bon réveil. Qu'est-ce qu'on dit? Bonne soirée. Je sais pas ce qu'on dit le soir. Oh, on est nul le soir, on est nul. On n'est pas du soir. Qu'est-ce qu'on dit? Bonne nuit. Bonne nuit. Et 22h42, c'est Manu dans le 6-9. On n'est pas là à notre heure, mais on est content d'être avec vous. Il est 22h45 et c'est Manu dans le 6-9. C'est très bizarre de dire il est 22h45 et c'est Manu dans le 6-9. Mais on n'est pas habitué. C'est pas notre heure. Alors je vous explique. Si vous dites qu'est-ce qui se passe, c'est bizarre, c'est étrange, qu'est-ce qui se passe dans ma radio, j'avais le hit des clubs, je voulais écouter mon numéro 1. En même temps, on l'a écouté, c'était Kungs. Ouais. On a respecté le numéro 1 des hits des clubs. Ouais. On était tranquillement en train de faire notre dîner de rentrée de l'équipe Manu dans le 6-9. On va vous retrouver dès lundi, évidemment, à partir de 6h jusqu'à 9h30 avec plein de nouveautés, plein de choses. On pourra vous en parler ce soir d'ailleurs. Et ce soir, on était là après le dîner et après Coriane se soit pochetronnée, elle nous a dit si on allait faire de la... Qu'est-ce que j'ai dit? C'est le verbe pochetronner qui est d'une élégance rare. Ouais. C'est pas bon, je suis désolé. Je voulais dire en fait après que Oriane ait réfléchi. Et réfléchi, enchaîner quelques cocktails très élégants. Elle nous a dit et si on venait faire de la radio ce soir, si on allait à la radio à Énergie et qu'on faisait une émission. Et là évidemment quand on est des cons, on a dit oui, on y va. Et on est arrivé et voilà et on est aussi surpris que vous, mais on est content, on avait envie, on bouillonnait d'envie de vous retrouver. L'idée est pas dégueulasse parce que je trouve ça très agréable de reprendre le micro comme ça. Vous savez quoi, ça fait un peu radio à l'ancienne. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu radio de papa. On arrive tac, on allume le truc et on sait pas ce qu'on va dire, on sait pas ce qu'on va faire et on est là, on est content. Ouais. Vous voulez nous rejoindre, et ben vous nous appelez 0870 70 42 48. Je sais pas ce qu'on va s'écouter comme disque. Ah, je sais ce qu'on peut faire. Ce soir, on peut chacun, tout le monde réfléchit. Oriane, tu peux réfléchir. Nico du web, tu peux réfléchir. Ouais. Valentin, tu peux réfléchir. OK. Le titre de votre été. Ça peut être un truc que vous avez découvert, un truc sur lequel vous avez lancé, hop, et on va s'écouter ça tranquillement. Ok. On est là avec vous jusqu'à je sais pas quelle heure. Il y a déjà du monde au standard, on va vous dire bonjour, tiens. Hop là, il y a Sébastien qui est là. Bonjour Sébastien. Salut Manu. Bienvenue parmi nous. Tu sais quoi, tu es le premier, non pas auditeur de nous le matin, mais le premier de... En fait, c'est le before. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est le before Manu dans le 6-9. Sois bienvenu Sébastien. Je suis content d'être là, content d'être avec vous et content de vous retrouver surtout. Eh ben écoute, merci parce que nous on est heureux aussi. T'étais là, t'étais tranquille, t'écoutais Énergie. Exactement, tranquille. Et puis j'ai dit tiens, il y a Manu, ouais, je vais l'appeler. Eh ben voilà. Eh ben qu'est-ce que tu fais à ce heure-là? Ben normalement il bosse. Il bosse. C'est, c'est à l'heure de l'eau au téléphone. Tu fais partie des gens qui parlent de même à la troisième personne. Eh ouais. Il y a ça, ou, non, alors, mais... ou alors les garagistes, quand tu dois venir récupérer ta voiture, mais il passera quand? Bah, vous parlez à qui? Parce que je suis en face de vous, monsieur, en fait. Bah oui, mais enfin, il veut que je lui change la tête de Delco. Alors, il, je sais pas, mais moi, j'aimerais bien. C'est très bizarre. Et tu fais quoi comme boulot, Sébastien? Je travaille dans la restauration, mais là, j'étais dans mon bureau en train d'écouter la radio, tranquille avec vous. Oh, c'est détente, hein, ah ouais, ta restauration. Cool. Ah, ouais, ah oui, apparemment, la restauration, le restaurant va pas super bien. Oui, mais c'est la fin du service, donc j'étais tranquille, voilà. Et c'est où ton restaurant? À faire de la paperasse. À Montpellier. D'accord. Et c'est un restaurant de quoi? Des spécialités? Il y a... Non, c'est un restaurant traditionnel. Bon, tu sais, toi-même, tu sais pas trop ce qu'il y a dans le, dans le menu, en fait. Alors, si, je le connais par cœur. Non, mais c'est spécialité française, on fait un peu de tout. Ça s'appelle voilà, comment? Avec des produits frais, régionaux, locaux, voilà. Ça s'appelle comment, le restaurant? Ah, je peux pas le dire, Manu, j'ai pas le droit. Au joyeux dégueu. Alors... Pourquoi t'as pas le droit? Mais c'est pour toi, dis-le. Ah oui, c'est de la pub. Non, je peux pas, je suis désolé, Manu. Mais c'est bizarre, regarde, tu te rends compte? T'es là, t'es sur Énergie. Ce soir, tu peux dire tout le bien de ton resto que tu veux, même s'il est pas bon, profite-en, c'est con. Ou alors, c'est ouais, qu'il est vraiment pas bon et que... Ouais, si mon boss, il écoute, il va savoir que je bosse pas, là. Mais c'est ça. Il est dans le bureau, en plein milieu du service. Évidemment, c'est qu'en fait, normalement, Sébastien, il devrait être en train de bosser, en train de nettoyer tranquillement la salle. Hein. Et puis là, évidemment, effectivement, ça pose un petit problème. Ouais. Sébastien, je te remercie beaucoup de m'avoir appelé. Merci à vous et je vous écouterai lundi dès votre retour. Eh ben, on se retrouve dès lundi à partir de 6h en direct sur Énergie, évidemment. Nico? On a plein de messages sur Twitter. Ah bah allez-y. Avec vous... le hashtag ouais, Manu dans 6-9. Vous mettez le hashtag Manu dans le 6-9, allez-y, on va lire vos messages, il y a quoi? Alors, il y a Violaine qui nous dit vous nous avez manqué de ouf. Il y a Miley qui dit ça fait du bien de vous entendre. Il y a Benito qui dit on allait faire l'amour avec ma copine, mais on attend finalement parce qu'on vous écoute. Mais Benito, évidemment. Et oui. Alors, c'est quoi? On va voir de la pub. On a combien de temps de pub, machin? Là, il reste 4 minutes et après, on a. Je sais pas. D'accord, ok, merci. On comprend absolument rien à ce que tu viens de dire. Tu sais quoi, je suis content parce que machin, il est avec nous quand même depuis maintenant 2-3 ans. Ouais. Et c'est son rôle, c'est exactement justement ça, de savoir les temps, combien va y avoir de pubs, combien le. Et là, il vient de nous faire une démonstration de, en fait, pourquoi on regrette déjà de repartir une nouvelle saison. Voilà. Je sais. Ah. Ouais, 3 minutes 15. D'accord, donc cool, vous allez avoir le temps de faire l'amour pendant 3 minutes 15. Ouais. Ouh, ce qui est largement suffisant. Et il y a Pierre aussi qui nous demande est-ce qu'on peut faire le premier jeu des 5 mois de l'année? Ah cool, ouais, on peut s'en faire un. Ah, ça peut être cool. Mais alors, je ne sais pas si. Alors, comme en fait, l'émission. Voilà, c'est même pas une émission, d'ailleurs, c'est nous qui arrivons à la radio. On n'a rien prévu, on n'a rien préparé. Je ne sais pas si nous avons les calots. Et alors, comme ça, je vais vous présenter une nouvelle personne de l'équipe. Anka! Viens voir! Je vais vous présenter Anka. Comment tu l'appelles? Viens voir! Ça commence bien. J'ai appelé gentiment, non? Ouais. Anka! Sors de là! Il y a la police! Ils nous disent qu'on n'a pas payé les traites! Sors de là, Anka! Sors les fusils! Non, Anka, tu peux dire bonjour. Bonsoir, comment ça va, Manu? Ça va bien? T'as l'air un peu. Bah, je suis en sort parce qu'il fait 20 000 degrés. Je ouais. te trouve un peu. Bah, il fait une chaleur de ouf. Alors, Anka, vous allez la découvrir au fur et à mesure de l'année. Vous allez voir tous les matins entre 6h et 9h30. Ça va être un petit peu notre maman. C'est elle qui organise tout. Et du coup, j'ai beaucoup moins de choses à faire cette année. Mmh. Pas globalement rien. Et ma question, c'était est-ce qu'on a des cadeaux potentiellement qu'on peut faire gagner ce soir? On m'avait pas du tout dit que tu ferais plus rien du tout. Mais oui, bien sûr qu'on a des cadeaux. Alors, évidemment, il y a plein de cadeaux. Bah, il faut qu'on ouvre les placards, qu'on fracture un peu parce que c'est vendredi soir. Mais il y a des iPads, il y a des consoles. Y a les gens savent qu'il y a toujours plein de cadeaux à gagner. Les gens le savent. Alors, non, les gens ne le savent pas. Bah, je leur dis. Ce que j'ai dit, c'est que même Anka n'a pas l'air sûre des cadeaux. Non. Mais les gens le savent. Tu sais quoi? Je suis en train de me demander si, au lieu de faire ce dîner de rentrée, on aurait mieux fait de faire une réunion de travail. Ouais. Je lance l'idée. On a des cadeaux, on a un numéro de téléphone et on a des standardistes qui sont au taquet. Donc les gens peuvent appeler tout de suite et on leur dira à eux. Ce qu'il y a à gagner. Exactement. On va se faire un jeu des 5 mots. Cool. Allez, il m'a manqué. Je n'ai pas joué. Allez, vous nous appelez 0 870 42 48. Il y a plein d'appels. On va écouter Deoro avec Baylor. Ah, je vais vous faire écouter mon. Voilà, on va commencer par moi. Mon hit de l'été. Okay. Vous le connaissez peut-être pas. C'est ma découverte de l'été. Je vous dis pas plus. Je vous dis ça dans 3 minutes. Alors en revanche, il faut que je me rappelle des boutons pour appuyer pour la pub.

Oh, c'est pas possible. Il m'a reconnu. Il m'a reconnu après m'avoir évincé de sa soirée spéciale. Il m'a reconnu. Après t'avoir évincé de quoi ? Je viens de comprendre, vu le ton, oui. Qui c'était. Oui. Alors, il faut, Charles. On va vous expliquer qui est Charles. C'est Charles Laporte. C'est un journaliste à Énergie. Si vous nous écoutez à Paris, en région parisienne Énergie, vous le connaissez parce que c'est le journaliste qui est là le matin. Mm. Parmi tous les journalistes qui font les infos le matin, eh ben Charles Laporte, lui, il est à Paris. Voilà. Et donc, si vous êtes à Paris, vous le connaissez. Si vous êtes à Marseille, vous ne le connaissez pas. Il n'y a donc aucun intérêt pour vous à écouter ce que cette personne va vous dire maintenant. Mais si, Charles est très bon. Je n'ai aucun intérêt d'une manière générale, hein, même à Paris non plus, mais enfin bon, c'est pas grave. On m'a gardé apparemment pour cette année, donc je serai là avec vous, hein, normalement. Avec plaisir, Charles. Valentin ? Il a l'air ronchon. J'ai l'impression que ça vous fait plaisir, dis donc. Bah, voilà. Évidemment que ça nous fait plaisir. Il a l'air ronchon, Charles, pour cette nouvelle année. Mais comme toujours, hein. Bah moi je suis toujours très en forme. Alors, il n'y a pas de flash là dans tes émissions spéciales, qu'est-ce qui se passe ? J'ai peut-être. Non, la météo, quelque chose ? Non, j'ai rien à faire. Alors écoutez, Charles, si vous voulez nous faire la météo, franchement, ça nous fera très plaisir. Allez-y. Alors, je ne me suis pas bien rencardé. Ah bah ça, c'est du journalisme comme on l'aime. Vous comprenez pourquoi Charles Laporte est journaliste à Énergie et pas à France Info ? Oh, l'échec. Oui, alors, voilà. C'est ça, c'est que parfois, il n'y a pas de mystère non plus. Hein, non, ça, il n'y a pas de surprise hein, dans ce métier. Non, il n'y a pas de surprise. Hein, non, voilà, ça. C'est bon, vous êtes journaliste Énergie, voilà. Vous êtes de retour alors, avec nous. Alors, la météo, moi, j'ai l'impression qu'il fait chaud partout. Oui, bien vu, Sherlock. Bien vu. Merci pour cette météo. Ah, ici les Moulineaux, en tout cas, il fait 27 degrés. D'accord, voilà. Bah c'est important, comme oui. Tout le monde habite à ici les Moulineaux. Eh bien, tout le monde n'y habite pas, mais ceux qui y habitent seront peut-être contents de le savoir. Eh bien, merci. Bah, on vous retrouve sur Radio Ici les Moulineaux, alors. Oui. Bon. Bonnes vacances, Charles, plaisir. C'était cool. Moi, c'est vous qui faites la matinale, c'est avec plaisir. Hein, y a pas de... Mais en même temps, je vous écoute, vous remarquerez. Bah oui, ça nous fait plaisir, attends, évidemment. Il y a Auriane qui vous a demandé si vous aviez passé de bonnes vacances. Oui, j'ai plus globalement passé de bonnes vacances, ouais. Ouais, ouais. Bah, okay. C'est bien, t'es dans le détail, c'est agréable. Charles Laporte, c'est pas le mec avec qui on a les plus grosses discussions à la radio. Hein. Ouais, ça veut dire, moi, je suis bien pour faire la météo, les infos, tout ça. On vous retrouve lundi. Après mes vacances, non, c'était très bien. On vous retrouve lundi. Cool. C'était très bien. Troisième fois, on vous retrouve lundi. Je ne vous entends pas, Emmanuel. Je vous assure, c'est très mal réglé, hein, votre standard. Hein. Je n'aime pas tellement cette idée. Je vais revenir en direct dès lundi, ce sera beaucoup mieux, parce qu'on ne s'entend pas. Alors, qu'est-ce que vous me demandiez ? Rien, plus rien. Vous savez quoi ? Je suis déjà fatigué de cette nouvelle saison. Ah oui, je suis fatigant, oui. Bah, oui. On vous retrouve lundi ? Je serai encore hein, cette année. Oui, on se retrouve lundi à 6h, forcément, ou 6h moins 2, enfin, l'heure que vous déciderez pour lancer les infos. De toute façon, j'imagine qu'il n'y aura pas eu beaucoup de progrès là-dessus. Non, je ne pense pas non plus. Hein, on est d'accord ? On vous embrasse très fort, Charles. Bisous à vous tous, ciao. Bisous. Gros bisous. Il est 23h, c'est une émission un petit peu spéciale, un petit peu n'importe quoi. C'est Manu dans le 6-9, on sera de retour à partir de lundi, à partir de 6h, tous les matins, on va se réveiller ensemble, on est parti pour une nouvelle saison. Et comme on avait fait notre dîner de rentrée pour tous se retrouver ce soir, eh ben, on a envie de se retrouver avec vous et donc d'être là ce soir tranquillement. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure on va être là. On est pas mal. Y a beaucoup de monde qui nous demande si on peut jouer au jeu des 5 mots. On peut s'en faire un tout à l'heure. Ouais. On peut se faire un jeu des 5 mots. Et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on va écouter comme musique ? On va s'écouter les hits de notre été. Chacun notre tour, on va. Je vais commencer. Alors. C'est. Aïe. Énergie le joue pas encore. Mm-hmm. Mais je l'ai fait écouter à Morgan, le directeur des programmes. Ouais. Ok. Qui a pas la meilleure. Bon, il a pas la meilleure oreille du monde. Mais il m'a dit, ça peut être pas mal. Alors. Sunset Sons. Sunset, on sait imprononçable, bref, Sunset Sons, le titre c'est Remember. Mm-hmm. Ouais. J'adore ce truc. Mm-hmm. Je pense que ça va être le hit de l'automne. Ça s'écoute à la plage, ça s'écoute en soirée, en amoureux, on danse dessus, on dort dessus, on fait quoi ? Trop de questions. Écoutez-le, vous me dites après. C'est Malu dans le 6-9 avec vous, si vous voulez venir, n'hésitez pas, 0870 42 48, soyez les bienvenus. I win. When we were all alone, if you would ever leave me, I would call your phone. We would talk for days and never leave my home. I think about it, always find a reason to be strong upon. Always wondered if and when you break my heart, you would try and argue with me from the start. I can live without it. Come on and baby, take my hand now. Remember when we used to say now, swear it all be kind, I swear we always hide it. Get tired of being this way, God. Since we started, yeah. I win, you lose. I'm fine with you, I'm so beside me. We can never be one with an open sky. I think about it. Never took the time to ever wonder why. Could have been the cause that we'd be laughing or crying. But we would never learn because we both denied. I can live without it. Come on and baby, take my hand now. Remember when we used to say now. It's where it all began, it's where we always hide it. Get tired of being disregarded. You wonder why you're brokenhearted. I've been a time before, we've been a since we started. C'est mon hit de l'été. Je pourrais me prostituer pour ce titre. J'adore. Je vais trop loin. Ouais, oui. Un peu, ouais. Soyez les bienvenus sur NRJ. C'est Manu dans le 6-9. Pas dans le 6-9, mais dans le 22h30. Je sais pas quelle heure. Ouais. On est de retour. On n'a pas pu attendre lundi. Voilà. On est des cons. On n'a pas pu attendre lundi 6h. On avait envie de vous parler. Et on était là. On a fait notre dîner de rentrée. On s'est tous retrouvés, toute l'équipe. Et on s'est dit. On est bien dans le resto, mais on serait mieux à la radio. Et tout le monde est venu. Il y a Oriane qui est là, il y a oui. Valentin, il y a Nico Duel, ouais. Il y a Machin qui est là. Ouais. Il y a toute l'équipe qui est là en production, des gens que vous connaissez pas forcément. Il y a toute l'équipe du Standard. Il y a Anka, il y a Marion, il y a Dan qui est là. Il y a Romain qui est... Ah, apparemment, Romain, c'est notre stagiaire. Apparemment, il a bien compris le concept de stagiaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas là. Je sais pas où il a dit à peu près une demi-heure, je vais vous chercher de l'eau, et il n'est jamais revenu. Non, mais il a dû chercher autre chose, alors. Du coup, on cherche un nouveau stagiaire pour cette année. On est tous là et tout le monde ensemble, on s'est dit, allez, on vient avec vous. Vous pouvez nous appeler, n'hésitez pas à nous rejoindre. 0870 42 48. On a Jonathan qui est là. Bonjour à toi, Jonathan. Salut Manu, je viens vous parler de mes vacances. Tu viens nous parler de tes vacances. Oui, donc je suis allé à Saint-Tropez, c'était vraiment, vraiment bien. Bon, après, bien sûr, il fait chaud parce que niveau température, c'est un peu... En fait, c'est un peu la cata niveau température, il fait 40 au moins. Mais franchement, c'est grave bien, c'était vraiment bien. Avec les yachts et tout, franchement, c'était grave stylé. Les yachts. Ah ouais. Jonathan. Il faut qu'on parle, Jonathan. Nico. Moi, j'ai fait du pédalo pendant tout l'été. Et l'autre, tu nous parles de yachts. Sinon, il nous dit, il y avait des yachts. Bon, la température était un peu chaude, ouais. Mais c'était pas mal. Jonathan, tu as quel âge? 15 ans. Génial. Bon, très bien. Tu sais qu'à 15 ans, je pense que tu es au courant quand même. Il y a assez de campagnes là-dessus sur. Tu sais que la drogue, c'est mal. Tu le sais, Jonathan. Oui, mais bon. Très bien. Tu as passé tes vacances à Saint-Tropez tout l'été? Non, une semaine et demie. Une et demie. Ah, c'est, t'avais plus. Tes parents n'avaient plus d'argent pour finir la deuxième semaine. Tu étais où à Saint-Tropez? Dans un hôtel? Non, c'était où? Non, une maison de vacances. Non, oh, oui. Oh. Oh, bah. J'en ai une à Monaco, mais je préférais la Saint-Tropez. Donc, t'étais dans ta. C'est une maison familiale? Non, comme ça, c'est histoire de y aller normal. Fin... Jonathan, je vais être très clair. Je veux bien continuer à parler avec toi, mais il faut que tu finisses tes phrases. Il faut que tes phrases aient un sens. D'accord? C'est une location? Non, c'est de la famille de ma belle-mère. Oui, donc en fait, c'est la question que je t'avais posée au début. Tu m'as dit non, mais en fait, c'est oui. Oui, pas mal. D'accord. T'as une maison de famille à Saint-Tropez. T'as vu des stars? Non, pas du tout. Pas du tout. Bah après, ils sont souvent planqués et tout. Oui, bah souvent, c'est bien connu, à Saint-Tropez, les stars sont souvent dans des terriers. On appelle ça d'ailleurs les terriers de stars. Et il y a des gens qui t'amènent. Hein. Regardez, Johnny Hallyday, il est dans son terrier, il est là. T'as vu personne de connu à Saint-Tropez? Après, je t'ai vu toi, mais en photo, par contre. Mais pas à Saint-Tropez. Oui, oui, oui. Ah non, mais juste en photo. Si, à Saint-Tropez sur mon téléphone, go. Je sais pas ce qu'on va faire de toi, Jonathan. Soit on vient te chercher vraiment pour... comment dire, pour que t'appelles d'autres radios. Et mais il est content, il t'a vu en photo, mais c'est... à Saint-Tropez, donc c'est un peu comme si donc t'avais il m'a pas vu à Saint-Tropez. À Saint-Tropez. D'accord. Ouais. Ok, Nico. Mais c'est vrai que nous aussi, on a croisé plein de monde, du coup. Moi, j'ai croisé François Hollande sur Facebook. J'ai vu un article. Ah, bah, à ce moment-là, je peux vous dire que j'ai passé la nuit avec Barack Obama. Hein. Dans un magazine. Mais oui. Oui. C'était fou. Ah, je me suis tapé Miss France. Voilà. Tout l'été. Sur Twitter. Voilà. Non, ça marche pas. Mais donc, personne à Saint-Tropez de connu cette année, Jonathan? Non, ils bougent pas vraiment. Puis ils préféraient rester sous la clim parce qu'il faisait vraiment chaud. Je comprends rien à tes phrases, Jonathan. Nico? On dirait qu'il parle des insectes. Tu regardes des insectes? Non, mais là, ils bougent pas trop, là. C'est normal. Voilà. Ouais, cette période de l'année, avec la chaleur, évidemment, Johnny Hallyday ne peut pas sortir. Hein. Ce serait beaucoup trop risqué pour, évidemment, tout ça. Donc, il y a des gens autour qui surveillent. Ouais. Les chanteurs, c'est pareil, j'imagine. C'est t'es allé en boîte à Saint-Tropez? Non. Non plus, d'accord. Mais en fait, tu as fait quoi à Saint-Tropez? Bah, j'ai regardé et puis j'ai surtout regardé la tête de Manu. D'accord. Bon, en plus, il essaie de faire de la blague, alors évidemment. Non, mais t'as fait de la plage, t'as été dans l'eau. On dirait que je parle à un enfant, tu sais. Bah, c'est un enfant, il a 15 ans quand même. Tu as été dans l'eau? Oui, quand même. Mais qu'est-ce que tu faisais de tes journées, Jonathan, à Saint-Tropez? Parce que t'es arrivé en nous disant, j'ai passé des super vacances, j'étais à Saint-Tropez. Je suis dans le Saint-Tropez, donc j'ai mangé pas mal de bonnes glaces, etc. Et puis après, je suis allé voir les bateaux, etc. Et je suis allé voir le nouveau musée de la gendarmerie de gendarme Saint-Tropez. Ah oui, époque, c'est bien ça. Oui, ouais, c'est l'autre époque, effectivement. Je viens de vérifier, plus personne nous écoute. Alors, je viens de vérifier en plus, Jonathan, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ta mère ne nous écoute même plus, elle non plus. Donc, elle vient de raccrocher. Jonathan, je te souhaite une très bonne soirée. Bisous. Bah, merci à vous aussi, hein, puis ça fait plaisir de vous entendre ce soir. Eh ben merci à toi, merci. On est hyper content d'être là, oui, on est de retour, on est bien, on est joyeux, on est content, on parle de Saint-Tropez, on parle de nos vacances. Qu'est-ce que vous avez fait en... Alors. Répondez-moi. Qu'est-ce que vous avez fait en vacances? Moi, je peux vous le dire, j'ai été au Portugal une semaine. Oui. Mmh. Avec? Avec trois potes. Ça marche. Et mecs. Pour tromper nos nanas. Ça marche, je note. Non, figure-toi qu'on a lancé ça l'année dernière et qu'on a dit qu'on le faisait toutes les ans dorénavant. On se prend une semaine, on part à quatre, une semaine en vacances. Mmh. Quatre mecs qui sont initialement en couple? Ça dépend des années, c'est fluctuant. Là, vous étiez quatre mecs en couple. Il y avait moi, un, deux, on était trois. Ah oui, quatre. Mmh. Quatre mecs en couple, mais sans vos nanas. Exactement. Et le but étant de... Oh, de faire du tennis. Sur ce... C'est vraiment ça en plus, on adore le tennis. Bien sûr. Ouais. Donc tennis. Tennis, on a été au Portugal, tennis. Ça marche. Ah oui. Valentin. Non, les joueurs de tennis portugais sont très réputés. Ah oui, c'est sûrement pour ça que vous avez été là-bas. Bah, Federer, il est portugais. Hein. Le tennis, c'est pas, c'est portugais comme. Mais c'est étonnant comme principe. Et elle vous laisse, vos nanas, comme ça. Oui. D'accord. Enfin, en tout cas, ça marche depuis deux ans. Donc, tant qu'elle nous dise rien. On continue. Alors, il y a eu des. Ça a changé de nana depuis. Hein? Sur certains de mes potes, ils n'avaient pas la même nana l'année dernière. Bah, tu m'étonnes s'ils partent au Portugal une semaine avec leurs potes. Ceci pouvant expliquer cela. C'est Manu dans le 6-9, on est là avec vous, on est là ce soir, c'était pas prévu, on avait un dîner et on s'est dit on va venir faire de la radio avec vous et on est arrivé en plein milieu de Hit des clubs et puis on est content, on discute, si vous voulez nous rejoindre, il y a un numéro, c'est gratuit je vous le rappelle, c'est le 0 870 42 48, il y a aussi Twitter, il y a des messages sur Facebook aussi, Nico. Oui, il y en a plein, il y a Gasta qui nous dit je suis en Espagne, j'ai lancé l'appli, on a en cherché les pizzas et vous êtes là, trop bien, ouais. Donc c'est cool. Bah cool. Il y a Marie qui dit voilà trop cool que vous soyez là, il y a Félix qui dit autant le matin c'est bien, mais le soir c'est mieux. J'ai eu peur. Autant le matin c'est de la merde, mais le soir c'est mieux. Autant le matin c'est vraiment à chier, mais alors le soir vous vous surpassez. Mais on arrive, on n'a rien prévu. C'est la radio à papa, c'est la radio old school, c'est la radio. Voilà, on arrive, on allume des micros. Et justement, il y a Sabex qui dit on veut le before de Manu en 6-9 plus souvent. Oui, alors c'est compliqué d'arriver à minuit et de reprendre à 6h. Ça se tente, J'avais un truc en tête. Ah. Alors retrouve-le. T'as dit quoi juste avant, Nico? Pizza. Alors pizza Espagne. Ouais, après. Ok, trop cool que vous soyez là. Il y avait quoi? Il y avait un autre message. Autant votre émission, ah oui, autant c'est de la merde. C'est bien, mais machin. Ah non, merde, j'ai pensé à un truc, j'ai oublié. Des messages Twitter. Je sais. Vas-y. Quand je disais qu'en fait on arrivait, qu'on allumait les micros et qu'on démarrait, c'est la magie de la radio. Ouais. C'est dans, où, dans, mais non, dans quel média tu peux faire ça? C'est ça. T'as un magazine, tu peux pas arriver et dire je vais écrire un article. Ouais. Ça marche pas. C'est ça. Tu peux pas le faire en direct, t'es obligé de l'écrire, t'as le machin, la rédaction, le bim bim, ensuite faut aller à l'imprimerie, bref, ton truc ça marche pas. Ouais. La télé, personne n'est arrivé, alors t'as Gilles Boulot qui fait son journal, et puis t'as un mec qui arrive et tiens, bah, bonjour. Je me disais là, tu parleras des trucs un petit peu plus tard. Moi ce que j'avais envie de faire, c'est un jeu des cinq mots. Non. Et ben la radio, ça permet de faire ça. T'as bien fait de retrouver ce que t'avais à dire parce que c'était très joli. C'est vrai? Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est beau. C'est ce qu'on fait. C'était pas clair. Mais très joli. Merci. Ouais. Voilà. Moi aussi, je t'aime, Oriane. Et ben voilà. C'est mignon. Bah oui. On alors, s'aime. Tu montes tes seins? Non. Maman. Bonsoir. C'est vraiment le soir là. On a dit qu'on allait s'écouter les hits qui nous ont marqué cet été. Nico, quel est le titre qui t'a marqué cet été, le hit de ton été? Moi, c'est Galantis avec No Money. Il est génial. Tu le connais ou pas? Ah, il est top. Ouais, je le connais. Ah, c'est la folie. Tu veux l'écouter? Bah, j'aimerais bien. Allez. C'est bien. J'aime bien. C'est ton titre? Ouais, c'est mon. Il est pour toi. C'est gentil. Je t'en prie. Merci. Tu montes ça? Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. You might knock me down. You might knock me down. But I will get back up again. You can call. Il n'arrivait plus à appuyer sur le synthé, il était crevé. Ouais. Galantis et No Money sur Énergie. Il est 23h16. Soyez les bienvenus. C'est Manu dans le 6-9, mais pas dans le 6-9. Non. On est arrivé à 22h30 tout à l'heure. On a débarqué comme des cochons parce qu'on avait simplement envie de faire de la radio. Voilà, ouais. Ça nous avait manqué pendant 2 mois. Parce que oui, vous nous avez dit pendant tout l'été, vous nous manquez, quand est-ce que vous revenez? Et ben, vous, sachez-le, vous nous avez manqué aussi. Et on n'a pas pu attendre lundi. On s'est dit, allez, on était là tranquillement, on faisait un dîner avec toute l'équipe. On s'est dit, on vient et on va vous dire bonjour. On peut parler de nos vacances, on peut parler des Jeux Olympiques. Vous avez regardé les Jeux Olympiques? Pas du tout. Si, j'ai vu la GRS à un moment où ils faisaient du ruban, c'était très sympa. Non, c'est chiant la GRS. Ah, c'est beau. Ah, le truc avec le ruban là? T'as des nanas, pour t'expliquer rapidement, en juste corps, avec je des sais, rubans hein. synchronisés, non mais tu sais pas trop. Et bah si. et elles lancent le ruban en l'air et elles font des positions. Ah, c'était sublime. Je ne sais pas qui a gagné, il y avait des Russes pas mal, mais c'est tout ce que j'ai vu. À quel moment dans la vie de tous les jours ça sert à quelque chose de faire une roulade et de lancer un ruban en l'air? À quel moment ça sert de prendre une raquette et un volant et de le balancer de l'autre côté d'un filet? Autant le principe du badminton, hein, je m'explique. Ouais, ok, badminton, d'accord. Ça marche, comme le ruban. Mais même le foot, de courir après un ballon, en soi, ça n'a aucun sens. Mais on est galvanisé quand on regarde un match de foot, on est content, ça nous donne de la joie, ça nous donne de l'espoir. Une nana qui lance un ruban, ça ne me donne aucun espoir. Mais à c'est... part que c'est sympa pour la couture. Non, ça a un vrai sens de l'esthétique. Sinon, non, j'ai vu Florent Manodou pleurer, je crois. Ah bon? Il a pleuré, Florent Manodou? Et sa sœur, peut-être. Enfin, il y a eu une défaite. Tu sais, Oriane, c'est génial. Parce que, alors, je sais pas pour qui c'est le plus vexant de dire je confonds Florent Manodou et Laure Manodou. Non, non, il y a eu quelque chose avec la famille Manodou et un échec et des larmes. J'ai vu ça un petit peu en diagonale. Il a gagné Florent Manodou aux Jeux Olympiques, non? Non, je crois pas. Hein. À moitié, on va dire. Alors. Ouais. Non, ok, ouais. Donc personne n'a vraiment suivi les Jeux Olympiques. Nico Duweb? Moi, j'ai que suivi sur Facebook, donc je regardais les compilations de chutes. Oui. Ça, c'était drôle. Les plus gros fails des Jeux Olympiques. Voilà. Mais du coup, on a pas mal de médailles, non? Non, c'est pas pas les meilleurs Jeux Olympiques pour la France, je crois, non? Bah si, c'est les meilleurs pour la France, je crois. Ah bon? Est-ce que une rubrique sportive a déjà été aussi nulle que celle qu'on vient de faire? À quel moment on a dit qu'on faisait une rubrique sportive? On a dit qu'on parlait des Jeux Olympiques. Ah, on a été très bons, sache-toi. On a battu notre record qui datait de Pékin, ouais. Je sais pas, moi j'ai vu juste Teddy Riner qui a remporté la médaille. Ah oui, alors je comprends rien au judo, mais j'ai vu qu'il y avait une victoire. Mais je vais vous dire un truc, moi je fais du judo, je suis en face de Teddy Riner, mais je lui dis, t'as gagné? Ouais. À quel moment t'as les couilles d'aller affronter ce mec? Ah, il est grand et baraque, ouais. Ah ouais, mais même au domino, même en combat de pouce, je pense qu'il te broie la main, le mec. Faut avoir des couilles quand même pour aller voir Teddy Riner et lui dire je vais te battre, quoi. Non, mais c'est leur métier. C'était pas un mec qui était serveur au resto. Il s'est dit tiens, je vais aller battre Teddy Riner au JO. Je sais pas, j'y connais pas en judo. Hein. Ouais, enfin, pour moi, les judokas, c'est les mecs qui ont pas les couilles de faire du karaté. Hein. Oui, bah on en parle. On en reparlera quand tu seras face à eux. Bon, c'est Manu dans le 6-9 avec vous, mais pas dans le 6-9. On est de retour, on est là, on est content. On passe cette soirée ensemble jusqu'à je sais pas trop quelle heure, jusqu'à la sécurité de l'énergie nous dise maintenant il faut rentrer. Peut-être, il y aura normalement Énergie Extravagance qui va démarrer tout à l'heure. Je sais pas quel DJ il y a. Alors après, si Big Ali arrive, par exemple, on va dire ok, on te laisse la place. C'est ça. N'hésitez pas à nous rejoindre. 0 870 42 48. Je vais vous prendre le standard juste après, il y a plein d'appels. On va écouter aussi nos hits de l'été. Nos hits que nous, on a choisis pour l'été. Valentin, c'est quoi toi? Ah bah moi c'est Cheap Thrills, c'est Sia. Sia avec Sean Paul? Ouais, Sia et Sean Paul. J'adore. C'est ton hit de l'été? Ah moi j'ai dansé là-dessus tout l'été, j'adore. Avec Sean Paul derrière. Bah, pourquoi t'es surpris comme ça? Bah parce que c'est le hit du printemps. Ah, ouais. Bah, moi, non. Moi, il s'est poursuivi tout l'été. J'ai dansé dessus tout l'été. T'es au courant pour Mitterrand? Il est. C'est pas si vieux. T'as un peu de retard. Hein. Mais c'est pas si vieux. Non, y a pas de mal. Bah, non. Bah, écoute, bien évidemment. Je sais pas, moi, je vais voter Chirac aux prochaines élections. Bon, allez, 23h20, on vient tout de suite sur Énergie. Venez assister à la première de la comédie musicale la plus spectaculaire de l'année. Les Trois Mousquetaires. Au Palais des Sports à Paris. Avec Énergie. Dès que vous entendez le double hit 3 Mousquetaires, appelez Énergie 3937 et gagnez vos invitations pour assister aux toutes dernières répétitions et à la première des 3 Mousquetaires. Le 29 septembre, j'en rêvais. Énergie numéro 1 sur les hits pop, R&B, dance. Salut, c'est Guillaume. Cet été, avant de partir en soirée, je propose un petit jeu. Plouf, plouf, ce sera toi qui sera Sam. Celui qui conduit et qui boit pas. Mais comme l'autre fois, c'était déjà toi et que t'as chopé toute la soirée, alors ce soir, Sam, ça sera moi. Ouais, parce que Sam le sauveur, c'est aussi Sam le tombeur. Alors y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes. Donc pour éviter les embrouilles, désignez bien votre Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Leclerc. Philippe, tu savais, toi, qu'avec Leclerc, on peut profiter de primes énergie quand on fait réaliser des travaux d'économie d'énergie dans la maison? Absolument. Des primes en carte cadeau Leclerc qui te permettent de faire tes courses dans tous les magasins Leclerc. D'ailleurs, depuis le 1er janvier, ces primes peuvent, selon tes revenus, être multipliées par 4. Rendez-vous sur l'énergiemoinscher.com pour connaître les modalités d'obtention et d'utilisation des primes énergie. Inscrivez-vous avant de vous engager auprès de votre installateur. Des travaux pour faire des économies qui te donnent droit à des primes pour faire d'autres économies. J'adore l'idée. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Gagnez toute la journée votre compil Énergie Extravagance Summer 2016. Tous les hit dance électro de l'été sont réunis sur deux CD avec en exclu Théoro, Kungs, Major Lazer, Jennifer Lopez, Soprano, Martin Solveig, Dimitri Vegas, The Chainsmokers, Galantis, Jonas Blue, Mom, Sigala, Imani. La compil Énergie Extravagance Summer 2016, déjà dans les bacs. C'est mad sur Énergie 12. du lundi au vendredi à 17h25. Retrouvez toute la bande du Mad Mag en direct. Le Mad Mag, présenté par Martial, du lundi au vendredi à 17h25 sur NRJ 12. Non-stop hit music. Energy Hit Music Only. Manu dans le 6-9, mais on n'est pas du tout le matin, ne vous inquiétez pas, vous ne vous êtes pas réveillé au milieu de la nuit, il n'y a pas de problème, c'est juste nous qui avions envie de venir faire de la radio, et ben avant l'heure, voilà, on avait notre dîner, on était tranquille, on était là avec toute l'équipe et on s'est dit, et si on allait faire de la radio? Ouais. On est bien, non? Ah bon, écoute, on est plutôt pas mal. Il fait chaud. Ah ça, il fait chaud, comme un peu partout en France, on est à 38 degrés, mais on est bien, on se découvre, on est en sueur. C'est ça. Je pensais pas qu'un corps pouvait... Je pense qu'à un moment, je peux être en flaque. Tout à l'heure, j'avais l'impression de pleurer sur mon visage tellement j'étais en eau, c'était horrible. Ah non, c'est... Oui, on peut. Je pense qu'on peut nourrir 4-5 familles avec Est-ce que c'est pas l'année du glamour? Vraiment, on est bien. On est glamour. Il y a beaucoup de monde qui nous demande de jouer au jeu Les 5 mots, on va jouer au jeu Les 5 mots, parce qu'il sera de retour à partir de lundi. On nous demande aussi beaucoup qu'est-ce qu'il va y avoir comme nouveauté à partir de lundi dans l'émission. Il va y en avoir. On va pas vous les donner maintenant parce qu'après on va nous les piquer. On les fera lundi. Voilà. Il y a plein de choses qui vont arriver. Pendant toute la semaine prochaine, vous allez découvrir plein de nouveautés, plein de nouvelles choses dans l'émission. Et évidemment, il y aura pas que des nouveautés, il y aura nous parce que forcément c'est nous qui faisons l'émission. On sera là avec vous. Vous pourrez venir comme chaque matin. Ce sera toujours gratuit. Notre numéro de téléphone, évidemment. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler dès maintenant au 0870 42 48. Et on sera là avec vous entre 6h et 9h30, 3h30 tous les matins. On a Lou qui est là. Bonjour Lou. Salut Manu, salut à toute l'équipe, je suis trop contente de vous avoir. Salut Lou. Salut Lou. Eh ben sois la bienvenue Lou, qu'est-ce que tu faisais ce soir? Je viens de rentrer d'Espagne, j'étais sur l'autoroute et j'étais trop surprise de vous entendre, donc je suis vraiment trop contente. Ça fait tellement longtemps que je vous entends tous les matins, dès que je vais au bahut et tout, donc je suis vraiment trop heureuse de vous parler. Et là tu es en train de rentrer d'Espagne? Ouais, Mais t'es dans la voiture? Oui, je suis au bord de l'autoroute. Tes parents t'ont laissé? Oui, c'est ça, ils m'ont abandonné, ils m'ont dit tu parles à Manu, c'est bon, on te laisse. Je comprends, il y a beaucoup d'enfants qui sont abandonnés parce qu'ils écoutent Énergie et que du coup les parents les laissent sur le bord de l'autoroute, c'est désagréable. On n'en parle pas assez, mais... Mais bien sûr, évidemment. Et ensuite, on va vous récupérer pour vous adopter dans des centres. Exactement, mais je dirais, moi, je veux que Manu. Et t'as passé les bonnes vacances, Lou? Oui, franchement, c'était top, c'est passé trop vite d'ailleurs. T'es passé combien de temps de vacances? T'as eu combien de temps? Ben, presque 2 mois et demi à peu près. Ah oui, ça passe trop vite, 2 mois et demi. C'est vrai, on dirait pas. Non, mais bien sûr, non, 2 mois et demi, vraiment, là, pour le coup, c'est dur, quoi, parce qu'en général, les gens ont quoi, 6 mois de vacances, pardon? Ouais, en moyenne, ouais. Oui, c'est ça, ouais. Mm. Et ben, Lou, merci beaucoup de nous avoir appelés. On te donne rendez-vous lundi à partir de 6h. Merci beaucoup. Gros bisous, Lou, merci de nous avoir appelés. Il y a Audrey qui est là, bienvenue, Audrey. Salut, Manu. Bonjour à toi, enfin, bonsoir à toi, qu'est-ce que tu fais à cette heure-là? Eh ben, j'attendais de t'avoir en ligne parce que je voulais absolument t'avoir avant que tu reprennes l'émission lundi. Eh ben, pourquoi tu voulais absolument m'avoir au téléphone? Ben, parce que tu m'as trop manqué pendant les vacances. On a vraiment fait tous les replays et tout pour t'avoir avec nous pendant les vacances. Ça nous a trop manqué. Oh, donc voilà. C'est gentil. Donc ça fait trop plaisir. T'as passé les bonnes vacances? Mais tous les ouin-ouin aussi, hein, ça me fait plaisir. Mais, tous les ouin-ouin sont là. Les ouin-ouin te le rendent bien, Audrey, bien sûr. Qu'est-ce que t'as fait pendant tes vacances? Eh ben, on a eu la chance de partir à Miami pendant 10 jours avec des amis. C'est pas mal, Miami. Donc, ouais, super sympa, belle destination, on a bien trippé, et franchement, des super bonnes vacances, mais c'est passé aussi trop vite, quoi. Vous étiez combien de temps? 2 heures. Ah oui, c'est... non, 10 jours, quand même. Tu parles anglais un peu? Ouais, un petit peu, je me débrouille. C'est mieux quand tu vas aux États-Unis. Bah non, ouais, mais bon, tu baragouines. C'est sympa. Ouais, c'est ça. Valentin? On a fait ça à notre sauce. Non, Audrey, est-ce que t'as fait du vélo? Il y a les vélos avec les guidons très hauts aux États-Unis. Vous avez déjà vu ça? Non, ça s'appelle des Harley Davidson. Non, j'ai pas vu ça. C'est ce que j'allais dire, c'est des motos normalement. Des vélos avec des guidons très hauts? Ouais, oui, c'est les cruisers. Ça s'appelle les cruisers. Ah, je connaissais pas le nom, mais voilà, ils ont ça et ça m'a toujours fasciné. D'accord. Bah non, j'ai pas vu ça. J'ai loupé un truc, faut que j'y retourne. Ouais, non, je crois que t'as rien loupé en fait. Il y en a un et en fait il l'a vu une fois en photo et il s'est dit c'est génial de l'avoir partout. Audrey, je te remercie beaucoup de nous avoir appelés. C'est moi, merci beaucoup. Bonne rentrée à vous tous et faites-nous kiffer toute l'année parce que franchement vous êtes vraiment le gros rayon de soleil du matin. Ça fait trop plaisir de vous avoir et d'entendre toutes les conneries que vous faites le matin et tous les bons délires. Alors attends, il y a Anka qui vient de me donner un papier. Alors Anka, vous allez la découvrir au fur et à mesure dans la saison, vous allez voir, c'est une nouvelle personne dans l'émission qui est chargée de s'occuper un peu de tout dans ce gros bordel. Et elle me dit, elle se marie bientôt, c'est ça? Tu te maries bientôt? Ouais, enfin pas tout de suite, j'ai encore 10 mois devant moi, donc ça va, j'ai quand même tout préparé. La notion de bientôt chez Anka. Bah non, mais bon, 10 mois c'est moins d'un an, t'as le temps de la réflexion. Ouais. Mais bon. Non, mais elle me colle un papier à la vitre, elle se marie bientôt. Ouais, le 24 juin 2017. Oh, oui, t'es invité, hein. Si tu veux venir, tu seras bienvenu. Hein. Oh, t'as le temps d'annuler, hein, de toute manière. D'ici là. Nico? Je me marie bientôt, moi c'est dans 3 semaines. Oui, c'est ça. Ça c'est 10 mois, t'as le temps en fait. Tu vois, ça c'est bientôt dans 3 semaines. C'est ça. Ça c'est bientôt, ouais. C'est la première fois que tu vas te marier? Oui. Bah oui, à mon âge quand même. Bah je sais pas, t'as quel âge? 26. Oui. Bah non, bah c'est pas. C'est mieux quand même. Et tu penses que c'est l'homme de ta vie? Ben, normalement, ouais. Hein. Oula. Normalement. Ouais, ça peut se faire. Audrey, tu préfères que je te donne maintenant 5 millions d'euros et tu te maries pas avec lui? Non. Ou alors, tu te maries avec lui et c'est l'homme de ta vie, mais t'auras pas les 5 millions d'euros. Chut, écoutons. Je me marie avec lui. Oh! Ah mais elle l'aime bien, ouais. Ah mais moi je prendrais les 5 millions même maintenant en marié. Hein. C'est un autre débat. Ah bon, écoute, c'est beau Audrey. Je te remercie de m'avoir appelé, je t'embrasse très fort. Ben, merci à toi, gros bisous à tous les ouin-ouin. Bisous. Salut, bisous. Gros bisous. Nico du web. Il y a juste Nordine sur Twitter avec le hashtag Manu en 69 qui nous dit je bosse à 23h normalement, j'attends un peu avant d'y aller. Je sais pas quel boulot fait Nordine. Si les chirurgiens, ça pose un problème. Vas-y un peu quand même, on sait jamais. Soyez les bienvenus si vous venez d'arriver sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9, mais pas entre 6h et 9h30 comme on va l'être à partir de lundi. On est arrivé il y a une heure déjà. On avait juste envie de faire de la radio avec vous. C'était pas prévu. Personne n'était au courant à Énergie. C'est juste qu'on avait notre dîner de rentrée. On était là avec l'équipe. On était contents et on s'est dit, on va venir ce soir. Voilà, pour faire de la radio, il y avait Fabien qui était là pour le Hit des Clubs, qui a été cool et qui nous a laissé tranquillement le studio. Mmh. On est là, jusqu'à quelle heure, je sais pas, mais on est bien. Vous nous appelez 0870 40 48, il y a Wendy qui voulait jouer au jeu des 5 mots. Bonjour Wendy. Bonjour Wendy. Je suis trop contente, vous allez savoir. Salut Wendy. Bonjour Wendy. Je m'en manquais pendant les vacances, il y en a qui bossent et je pouvais pas vous entendre, c'était affreux. Wendy, ne bouge pas, on va te donner une bouteille d'oxygène pour que tu respires. Et après, on va jouer avec toi, d'accord? Ouais, ok, pas de problème. On te fait des gros bisous le temps que tu respires. Yes, je respire. Ne bouge pas, on va te reprendre juste après Sia et Sean Paul. On s'écoute nos hits de l'été. Ouais. Les hits qui nous ont marqué cet été. On a écouté le mien tout à l'heure, il y a eu celui de Nico. Ouais. Maintenant, c'est celui de Valentin, ouais. Alias Glandu, qui a pris du galon cette année maintenant, ouais. Ah bah oui. Puisqu'il n'est plus stagiaire, mais sachez qu'on appelle ça assistant de production. C'est joli. Valentin est assistant de production. Ça sonne bien. S'il vous plaît. C'est gênant pour tout le monde. On sait pas trop ce que c'est, mais c'est classe. Mais c'est assistant de production. Oui, c'est ça. Et son hit de l'été, c'est Sia et Sean Paul. Ouais, j'ai dansé là-dessus tout l'été, hein. Je me suis déhanché. Eh bien, écoute, fais-toi plaisir. Soyez les bienvenus sur Énergie. Il est 23h22. On a absolument rien à foutre ici. Mais tant pis, on est là. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. To the floor and me see your energy because me not play no hide and seek. What is the thing you ever make me feel weak, girl? Free! Cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Up, up, me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you were. I don't need no money. You want more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the beat just take control. I don't need. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out the control. Baby, bienvenue sur Énergie, il est 23h35 et ma voix, peut-être que vous la connaissez et vous dites, mais pourquoi il est là le soir? Et peut-être que cette voix, vous la connaissez pas et vous vous dites, elle est bizarre sa voix. Je m'appelle Manu et tous les matins sur Énergie, on est là entre 6h et 9h30, on était en vacances, on revient à partir de lundi et cette nuit, enfin ce soir, eh ben, on a fait notre dîner de rentrée avec toute l'équipe et on s'est dit... On aimerait faire de la radio. Et voilà, c'était pas prévu. Et on est un peu. On sait quoi ? On est un peu excités. Oui, c'est comme si c'était un peu interdit. Exactement, c'était pas prévu. On n'avait pas le droit. On n'a pas demandé l'autorisation. Mais on est des malades ! On est des dingues ! On est malades ! Ouh ! Dans quel autre métier ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans quel autre. On a une chance de ouf. Dans quel autre métier, à un moment, t'arrives et tu dis tiens, on va bosser. C'est vrai. On va aller sur notre lieu de travail, on va s'amuser. Mmh. Ça n'existe pas. Et c'est une chance qu'on a de ouf. Merci à tous ceux qui nous appellent. Vous êtes très nombreux au standard, au 0870-42-48. On a Wendy qui est là. On va jouer au jeu des 5 mots avec toi dans quelques instants. T'es toujours là, Wendy? Oui, je suis là. Ne bouge pas, il faut juste que je passe un appel avant. Ok. Oui, parce que en fait, normalement, je devrais être chez moi. Ah oui. Il y a ma copine qui m'attend. Ah, tu lui as pas dit que... Non, bah non. D'accord. Parce que je lui avais dit, on fait un dîner d'équipe, on est là, tranquille, et on va finir vers 22h, 22h30, je rentre après. Et je l'ai complètement zappé. Donc, bah oui, ça arrive. Et alors, si vous permettez deux secondes, je l'appelle pour lui dire. Et Wendy, après, on joue, d'accord ? Pas de problème. Très bien. Oh, sinon, Wendy, tu peux lui dire directement. Je lui dire que tu seras en retard ? Oui. D'accord. Allô ? Oui, allô ? Bonjour. Oui, allô ? Oui. Bonjour, vous êtes la copine de Manu ? Absolument. Oui, bonjour, je suis Wendy. En fait, je suis une auditrice et j'adore Manu et son équipe. Et en fait, ils ont eu des folles, ils ont dit qu'ils avaient un repas ce soir. Et en fait, ils se sont dit, et si on a nous tous à la radio maintenant, parce que nos auditeurs nous manquent. Et du coup, ils sont chez Énergie maintenant. Donc non, il va rentrer un peu tard. Ah non, mais il est grave. Donc maintenant, il prend ses auditrices comme secrétaire. En fait. Non, mais je rêve. Il n'est même pas capable de prendre son téléphone et de m'appeler. Non, mais c'est vraiment... C'est parce que j'ai oublié de te prévenir, j'ai oublié de t'envoyer un message. Ah ben, c'est dommage, et moi qui t'attendais nu, sous un imperméable. Ah non, voilà. Attends, pourquoi sous un imperméable? Il fait 35 degrés. Non, c'est pour faire un peu genre sexy, basique. Ah, d'accord, je crois que c'était pour faire Inspecteur Gadget, mais... Non, de toute façon, c'était une vanne, tu penses bien que je t'attendais pas nu sous un imperméable, je t'attendais pas du tout, je viens de rentrer, c'était boire des verres. T'as été boire des verres avec qui? Non, mais, tu vois, alors monsieur me zappe, alors, mais toi, par contre, j'étais boire des verres avec des amis. Avec des amis. Et attends, mais moi aussi, j'ai une vie, qu'est-ce que tu crois? Non, mais je rêve, l'autre. Et dis donc. Le malaise. Et de toute façon, je savais très bien, parce que figurez-vous qu'en rentrant donc de mes verres, j'ai mis la radio et je l'entends, je dis, mais je vous entends. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et je suis tombée pile au moment où tu parlais de tes vacances au Portugal. Ah merde. Oula, aïe. Voilà, aïe, aïe. Tu disais donc que tu partais avec quatre potes au Portugal pour tromper les meufs. Et d'ailleurs, non, avait des... non, mais pour faire du tennis, on a dit. Ben oui. Ouais, bah avant t'as dit pour... Oui, du tennis, la bondo, le tennis. Et t'as dit que d'ailleurs, ceux avec qui t'étais parti, ils n'avaient plus la même copine. Bah tu sais que ça peut t'arriver ça aussi. Hein. Hein, fais attention à tes petites fesses. T'es content de m'avoir appelé? Et tout ça, c'est la faute à vous. Attends, j'ai un autre truc à dire. Oui. Pendant que je suis là, maintenant, je tiens l'antenne. Bah oui, je vois ça. Vous êtes vrai? Parce qu'après, vous avez parlé des JO, j'ai entendu aussi, hein, toujours dans mon trajet. Non, mais t'es nul, hein. Florent Manaudou, il était deuxième. Et Oriane, elle a raison. Laure Manaudou, elle commentait le truc. Et elle a commencé à pleurer. Ah. Elle a dit. Mais où, bien sûr, elle a pleuré parce qu'il. Mon amour, on est à l'antenne. C'est toi qui m'as appelé. Ah oui. Non, je peux finir l'histoire. Oh, bah, elle était finie là, non? Non, pas du tout. Oh, si. Tu lui voulais dire un truc, Nico? Tu aurais dû lui envoyer un SMS. Oui. c'est con. Mais non, mais attendez, je peux pas raconter l'histoire de Florent Manaudou. Et Laure Manaudou, elle a pleuré, elle a dit, mais je suis tellement fière de toi, grâce à toi, je suis encore dans la piscine. Ah bah voilà. Voilà, tu vois. Merci, Madame Manu. J'ai rien compris. Ah ouais, pas du tout. Elle a dit, grâce à toi, je suis encore dans la piscine. Oui, genre, elle a encore plein d'émotions grâce à lui, tu vois. Mais elle était pas dans la piscine. Mais non, c'est une image, métaphore, bordel. Métaphore. Oui. Métaphore toi-même. C'est bon, vas-y, je rentre pas ce soir. C'est pas grave. Bon. J'appellerai des amis. Mais excuse-moi, donc, moi je t'appelais gentiment pour te dire que j'étais un petit peu en retard ce soir puisqu'on a décidé de venir faire déjà, de la radio. Tu m'as pas appelé, c'est une auditrice qui m'a appelé. C'est Wendy. Oui, bonjour. Bonjour Wendy. Et tu m'as totalement zappé depuis 2 heures, tu te fiches de moi quoi. 2 heures, puis 1h30, ça va. Oui, bon, bah sur ce, on va peut-être. Bah oui, vous nous laissez, faut qu'on règle notre problème. On va peut-être sortir. Mais on fait la radio et après on rentre, d'accord? Ah ben, vous faites ce que des vous fois voulez. J'ai l'impression que je suis un enfant quand je lui parle. Bon, ça va, vous êtes bien, ça vous fait quoi de reprendre le micro? Ah, on est comme des oufs. C'est cool. Ouais, on est cool. Ouais. Ouais. Il fait pas trop chaud? Si, ça c'est le problème. Si, on sue beaucoup, on sue énormément là. Mais on se sent bien, on se découvre justement, du coup c'est plutôt agréable. Bon bah très bien. Bon bah je vous embrasse. Bisous. De toute façon, même si tu m'avais oublié, c'est pas grave, j'ai reçu 250 messages pour me dire de gens qui disaient oh, ils sont à la radio. Ah bah tu vois, du coup t'as plus besoin de moi. Non mais tu sais, je n'ai jamais eu besoin de toi. Ça me fait plaisir que tu sois là. Sans moi t'es perdu. Ouais, c'est ça. Sans moi t'es foutu. Ouais, c'est ça. Tu le sais bien, je suis tes jambes, je suis tes pieds, je suis tes yeux. C'est bon. Ouais. Ah bon, voilà. Ouais, bon, ok, d'accord. Je pense qu'on va s'arrêter là. bon, tout à l'heure, mon cœur. Je te ramène un cadeau. Oh, t'emmerdes pas, là. Hey, on est d'accord que tu m'appelles jamais mon cœur. Alors là, dis donc, quand t'es à la radio, tu m'appelles mon cœur. Mais parce que la vérité, c'est que je m'en veux un peu de t'avoir complètement zappé pour pas t'avoir dit que j'étais à la radio, quoi. Voilà, c'est pas grave, t'inquiète pas. À tout à l'heure. On verra. Bisous. Bisous. Mais non, bisous. Bisous, bye. Ok, il n'y revient plus, hein. Comment tu l'as bouché? Vous avez vu à la fin, bim, bam. C'est ce que j'avais raccroché. Ah, c'est qui le patron? Alors, c'est qui le chef ici? Il vend de la culotte, hein. Bon, ok, maintenant qu'elle sait qu'on est là, on peut rester jusqu'à 2h du matin. Allez, ouais, cool. Allez, il est 23h42, on a plus rien ne nous retient, du coup, c'est cool. Si vous voulez venir avec nous, il y a un numéro, c'est le 0 870 42 48. Il y a Twitter aussi, il y a Facebook, vous nous laissez des messages, Nico. Ouais, il y a plein de messages, il y a Stéphanie qui dit comment vous m'avez manqué, il y a Val qui dit putain énorme. Voilà. juste putain énorme. Ah, putain énorme. Voilà. Putain énorme. Ok, c'est pour nous du coup. Oui, bah j'imagine. Il y a Delphine qui dit sur une plage de Majorque en train de vous écouter en live, c'est le pied. La classe, Majorque en. Et ouais. En Espagne, voilà. Ah, c'est ça, en Espagne. C'est ça. Et ben, si vous voulez nous laisser des messages, vous y allez. Vous allez sur Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9, sur notre page Facebook aussi, n'hésitez pas. On va s'écouter le hit de l'été d'Oriane maintenant. Ouais. Juste après, Wendy, t'es toujours là, je sais, tu attends de jouer au jeu des 5 mots. Oui. Le temps que tu changes d'octave et on te reprend. Ne bouge pas. On va écouter le hit de l'été d'Oriane. Alors attention parce qu'elle me l'a fait écouter. Elle m'a torturé pour que je l'écoute. Non, ouais. Il est bien. Je ne suis pas encore complètement fan. Non, mais on alors, va l'écouter. Il a écouté plusieurs fois. Il faut l'écouter dans des circonstances particulières. Donc je vous mets à l'aise. Il faut mettre très fort la radio. D'accord. Donc voilà, vous montez le son maintenant. Si vous avez des fenêtres, vous les ouvrez. Ce qui fait un peu d'air pour l'écouter. Oui, puis comme ça pour emmerder les voisins. D'accord, ok. C'est parfait. Ouais. Et si c'est accompagné de quelqu'un, c'est mieux parce qu'elle est assez sensuelle. Ah, bah ce que vous faites, c'est que vous allez sonner chez le voisin. Vous lui ouvrez les fenêtres. Bonjour monsieur. C'est pour la radio. La radio de quoi? C'est parce qu'Oriane, elle a dit que c'est son hymne de l'été. Oriane, qui celle-là? Roger, va chercher le fusil. C'est les jeunes des cons de la cité. Et une fois donc que vous avez vu votre voisin, vous lui dites d'écouter Grace, c'est avec Jeezy, ça s'appelle You Don't Hope Me. On va appeler la police. And I can always have just what I want. She's the baddest, I would love to flaunt. Take her shopping, you know Yves Saint Laurent. But nope, she ain't with it though. All because she got her own though. Boss, boss, if you don't know, she could never ever be a broke. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. Try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I never stay. Really though, yeah, honestly, I get bored of basic. No. She's the baddest, straight up vicious. Texting her and asking her if she's alone and send some pictures. She said no. What? Well, goddamn. Damn. She said come over and see it for yourself. Never asking for your help. Independent woman, she ain't for the show. No. Nah. She's the one. Smoke with her until the stand up until we see the sun. The baddest ever. Swear she do it better than I ever seen it done. Yeah. Never ball, she ain't never long. It's when she told me she ain't never, ever, ever, ever gonna be on. Say party like me before though. Écoute, je sais pas. Ah, c'est bon. Et c'est Ah, c'est transcendant, je suis transcendée. Oui, et toi, mais Oh non. Mitigé. Mitigé. Grace et Dizzy, ça s'appelle You Don't Own Me. Oh, l'échec total. Restez avec nous. Voilà, après on va parler cul. Voilà, c'est bien de dire ça. Soyez les bienvenus sur LRJ. Si vous venez d'arriver, c'est Manu dans le 6-9, mais pas dans le 6-9, dans le 22h30, je sais pas jusqu'à quelle heure. On va minuit, minuit et demi, on va voir. On est là parce qu'on avait juste envie, ça nous a pris comme une envie de faire. Voilà. Mais vraiment, de dire, eh, venez, si on allait faire une émission de radio comme ça, si on allait faire de la radio. Et on était à un dîner, on était tranquille, c'était notre dîner un petit peu de rentrée pour tous se retrouver après les vacances. Et on a dit, allez, si on allait à la radio. Et on est arrivé, sans autorisation, c'est un peu là. Les parents sont pas au courant. Et on est arrivé là, et c'est génial, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je me dis, mais putain, on a une chance de ouf, ouais. C'est qu'on fait un métier dans lequel. Ça, c'est possible. Ah ouais. On joue, on est bien, on est comme des enfants. Je cherche depuis tout à l'heure à quel moment un dentiste il rentre dans son cabinet en disant tiens, je vais aller réparer des dents comme ça parce que ça m'éclate. Il appelle son assistante et dit viens, on va nettoyer les caries. Non, ça n'existe pas. Non. C'est une chance de ouf qu'on a. Et voilà, et on avait envie d'être avec vous, on a envie de vous retrouver, on n'a pas pu attendre jusqu'à lundi. Vous pouvez nous envoyer des messages sur Twitter, sur Facebook, il y a plein de messages. Nico, vas-y, lis-en quelques-uns. Ouais, il y a Garance qui dit trop cool de vous écouter le soir, c'est top. Benoît qui dit top, il y a Oriane cette saison. Oriane, la fille drôle, belle et au top. Oh. Ah, t'as du mal à le lire, okay. C'est adorable. Oui, parce qu'il y a un des trois mots qui n'est pas bon, mais on dira pas le cas. Merci, c'est adorable. Il y a Antoine qui dit même si l'émission est pas préparée, c'est la folie. Dimitri qui dit je suis aux urgences avec ma mère et on vous écoute. J'espère que tout va bien. Si nous écoute, c'est que ça va. Bah, disons que si dans 10 minutes il envoie un message, il dit je suis sorti des urgences sans ma mère, là il y a un problème. Donc j'espère que tout va bien. Ouais, et il y a Cédric qui dit je valide le hit de l'été de Manu, je veux le réécouter. Voilà. Ouais. Voilà. Je vous ai fait écouter tout à l'heure, on a démarré tout à l'heure avec ça vers 22h30. Ma découverte de l'été, ouais. Sunset Sons, ça s'appelle Remember. Comment il s'appelle ? Cédric. Cédric, je t'aime. Voilà, je te le dis. Et je vais vous le faire écouter tout à l'heure. Si vous n'étiez pas là avec nous, c'est quand même con de louper ça. Vous passeriez une mauvaise nuit. On va retrouver Wendy qui est là. Wendy, bonjour à toi. Bonsoir. Wendy, tu es là parce que tu avais envie de jouer au jeu des 5 mots. Oui. Il va revenir à partir de lundi, le jeu des 5 mots, parce que c'est le meilleur jeu radio du monde. Oui. Il y aura d'autres jeux qui vont arriver dans l'émission à partir de lundi. Dont certains jeux très pervers. C'est ce qu'on appellera le jeu pervers. Non, le jeu du coquin. On a des très très très bonnes idées à partir de lundi. Ah, on va se régaler, on vous en dit pas plus. Mais le jeu des 5 mots, il sera là lui aussi. Il reviendra très régulièrement dans l'émission parce que vous l'aimez. Wendy, oui. C'est quoi ? On a des cadeaux. Hein. On a des, j'ai oublié ce qu'on avait. Il y a des iPads. Il y a des iPads mini et des consoles. Il y a des PlayStation 4. Wendy, ouais, c'est quoi ? On va faire ça ? Si, évidemment. Tu gagnes au jeu des 5 mots. Je rappelle les règles. Elles sont simples. Quelqu'un de l'équipe va sortir maintenant du studio. Tout le monde me regarde, j'adore. Ouais. Ben choisis. Eh ben tiens, toi alors. Allez. Hop. Cool. Allez. Oh voilà. Alors. Allez. Vas-y. Hop, tu fais le tour. Tranquillement. Oriane va sortir du studio. Wendy, je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient en tête. Ensuite, d'accord. Je vais faire revenir Oriane. Je fais pareil avec elle. Si vous avez au moins un mot en commun, c'est gagné, d'accord ? Yes. Attention, c'est la première fois qu'on fait le jeu des 5 mots si tard. Ouais, c'est bizarre. Hein. Je ne sais pas comment ça va se passer. T'es prête ? Ouais, je suis prête. Attention, c'est parti. Cuillère. Fourchette. Poire. Pomme. Tableau. Musée. Poisson. Mer. Poisson vert, t'as dit ? Mer. Mer. Ah, mer, d'accord. Fenêtre. Maison. Et ben voilà. On est pas mal. Ouais, on est bien. On va faire revenir Oriane. Attention. Quoi ? Allez. Elle a pas trop bu, hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Wendy demandait si t'avais pas trop bu. Non, ça va à peu près. Non, mais c'était dans ta vie en général. Ah non, à ce compte-là, non. Attention. Concentre-toi, tu joues pour Wendy. Allez. C'est parti, on joue au jeu des 5 mots. Cuillère. Fourchette. Oh merde. Oh. c'est génial. Mais non, c'est toi. Premier jeu des 5 mots de l'année, une réussite totale, premier mot. Bon, Omer, il était tellement... ça m'a sorti tellement j'étais énervé dès le premier. Oh. Wendy, qu'est-ce qui te ferait plaisir, un iPad mini ou une console PlayStation 4? Un iPad mini, s'il te plaît. Eh ben, l'iPad mini, il est pour toi. Juste les 4 mots qui restaient quand même. Il y avait poire. Pomme. Oui. Tableau. Ardoise. Elle avait dit musée. Oui. Poisson. Mer. Oui. Et enfin, fenêtre. Porte. Elle avait dit maison, Wendy. Bon, bah, cool. Wendy, on t'embrasse très fort. Bravo. Merci à toi. Merci, à lundi. Je vous embrasse très, très fort. À lundi. On sera là à lundi à partir de 6h. Il est 23h53. C'est Manu dans le 6-9. On a débarqué comme ça, comme des gros cochons. On avait envie d'être avec vous. On n'a pas pu attendre lundi matin, 6h. On revient tout de suite. Salut, c'est Manu. Attention, les amis, soyez prêts. Manu dans le 6-9 est le retour pour une nouvelle saison dès le lundi 29 août. Jean-Michel, t'as pas une musique un petit peu plus classe, s'il te plaît, parce qu'on est de retour quand même. Non, Jean-Michel, non, ça va pas, ça. Si tu peux faire un petit effort, s'il te plaît. D'accord, très bien. Laisse tomber, Jean-Michel, la musique. Enlève la musique. Voilà, très bien. Rendez-vous lundi 29 août, dès 6h sur Énergie. Et je vous rassure, Jean-Michel ne sera pas là. Non, Jean-Michel, tu seras pas là. Manu dans le 6-9, de retour lundi, dès 6h sur Énergie. Hey, salut, c'est Coé. On peut être fier de son équipe, de sa région, de sa ville. Moi, je suis fier de dire Sam, c'est moi. Fier de faire la fête sans alcool et de ramener mes potes sans faire de drame. Et sans vouloir jouer les héros, en tant que Sam, je sauve des vies quand même. Du coup, je suis un peu un héros, non? Ouais, ça fait déjà jaloux, mais j'ai l'habitude. Pour être Sam à ma place, il suffit de se désigner avant de partir en soirée. Bon, maintenant, vous le savez, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Leclerc. Philippe, tu savais, toi, qu'avec Leclerc, on peut profiter de primes énergie quand on fait réaliser des travaux d'économie d'énergie dans la maison? Absolument. Des primes en carte cadeau Leclerc qui te permettent de faire tes courses dans tous les magasins Leclerc. D'ailleurs, depuis le 1er janvier, ces primes peuvent, selon tes revenus, être multipliées par 4. Rendez-vous sur l'énergiemoinschère.com pour connaître les modalités d'obtention et d'utilisation des primes énergie. Inscrivez-vous avant de vous engager auprès de votre installateur. Des travaux pour faire des économies qui te donnent droit à des primes pour faire d'autres économies. J'adore l'idée. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. En 2029, les humains augmentés sont exclus de la société, traités en paria, parqués dans des ghettos. Vous incarnez le célèbre Adam Jensen, un agent infiltré doté des meilleures augmentations dans Deus Ex Mankind Divided, le nouveau volet d'une série de jeux de rôle et d'action devenu culte. Deus Ex Mankind Divided, le jeu événement sur PS4, Xbox One et PC. Tentez de gagner votre jeu Deus Ex Mankind Divided sur energygames.fr. Jeu déconseillé aux moins de 18 ans. Attention, canicule. Des risques existent pour votre santé, le coup de chaleur et la déshydratation. Tout au long de la journée, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement de l'eau et mangez en quantité suffisante. Mouillez votre corps tout en assurant une légère ventilation et passez du temps dans un endroit frais. Pensez à prendre régulièrement des nouvelles de vos proches. Si vous voyez une personne victime d'un malaise, appelez immédiatement le 15. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Manu dans le 6-9, Énergie. Oui, c'est nous, mais il n'est pas du tout 6h, il n'est pas du tout 9h, mais c'est Manu. On peut pas tout avoir en même temps. On est là parce qu'on a débarqué tout à l'heure aux alentours de 22h30 et on avait envie simplement d'être avec vous. On n'a pas pu attendre lundi. Voilà, on est comme des gros enfants et on a été piquer les cadeaux de Noël avant Noël. Oui, exactement. Ouais. C'est nul, mais on s'en fout. On est bien, on est content, on joue. On est bien. Il y a Extravadance qui va démarrer normalement à minuit, donc on va quand même les laisser tranquillement s'installer. Il y a Tiesto qui arrive. DJ Tiesto, ok. Très bien. Ouais, il est nu. Ah bon? Ah oui. Il mixe avec son sac, c'est un truc de fou. C'est le truc de Tiesto, hein, faut le savoir, hein. Bien sûr, évidemment. Enfin, c'est la légende qui part de rien. Bah, évidemment, enfin, faites passer la rumeur. Tiesto mixe avec son sexe. Bah, évidemment, enfin, c'est Avicii avec ses fesses. Enfin, c'est, tout le monde le sait, hein. Nicolas Webb. Je le mets sur Wikipédia ou pas? Oui. Ah ouais. Ah bah oui. C'est quoi? Ce sera notre première connerie Wikipédia de l'année. Ok, j'y vais. Il y a la page de Tiesto sur Wikipédia. Modifié. Ok, modifié. Alors. Et tu mets donc le. On est le combien aujourd'hui? Le 26 août. Le 26 août 2016. Nous apprenons, par l'intermédiaire de l'émission Manu dans le 6-9, lors d'une émission spéciale totalement pas préparée, pas prévue du tout. Enfin bon, bref, tu fais ton truc à ta sauce. Que Tiesto mixerait. On met au conditionnel. Oui, hein. Sinon c'est pas élégant. Avec son sexe, lors de soirées en co-animation avec Avicii, qui lui mixe avec ses fesses. Parfait. Voilà. Et tu peux mettre info à prendre au... non, info de source sûre. D'où le conditionnel d'ailleurs. Ça marche toujours. Donc Tiesto et ses fesses arrivent dans quelques minutes. Il y a Fabien qui va arriver pour nous annoncer tout ça tout à l'heure sur Énergie. On va prendre Sandy au téléphone. Sandy, sois la bienvenue. Bonjour, bonsoir. Salut Manu. Bienvenue sur Énergie cette nuit. Qu'est-ce que tu fais à cette heure-là, Sandy? Bah écoute, j'ai vu que sur Facebook vous étiez sur Énergie la Store. Je me suis dit, tiens, je vais appeler pour parler de phénomènes paranormaux. Bah évidemment, quand on est dans la voiture et qu'on écoute la radio, on se dit, on va parler de phénomènes paranormaux. Oui. Exactement, j'allais te partager ça, donc je me dis, c'est le moment quoi. T'as des phénomènes paranormaux chez toi? Ouais. T'as quoi? Par exemple, je vais enlever mes chaussures à l'arrache. Il y en a une qui va être sur le côté. Et ben, elle va se remettre toute droite, normale, à côté de l'autre. Sans l'aide de ton corps? Ah ouais, sans l'aide de mon corps. Et ça, c'est depuis que j'ai perdu un oncle il y a 6 ans, en fait. Ouais. Et depuis, c'est un oncle qui était maniaque, des chaussures? Non, pourtant non. Mais c'est ça le pire. T'es sûr que t'as pas des souris chez toi? Tu pourrais rentrer non, dans la chaussure? Non, j'ai pas de souris, t'inquiète. Donc, non, t'enlèves tes chaussures. Chat, déjà. Donc t'enlèves tes chaussures, il ouais. Y en a une qui tombe, elle s'en remet toute seule droite. Exactement. À chaque fois? À chaque fois, ouais. Et pourquoi tu filmes pas? Parce que j'ai pas trop envie de garder des choses comme ça. j'ai pas, non, franchement, moi, ça me dit pas. Je préfère mieux les vivre au pire toute seule. Non, je préfère attends, pas. Parce tu que... le filmes, tu le mets sur YouTube, ça fait le buzz. Bah oui. Ah oui, ça fait le buzz. Ah ouais, j'imagine ça fait bien, ouais. Là, excusez-moi, mais là, tu buzes. Ouais. Hein. Alors là, excusez-moi, tu buzes. Oh non, vas-y, Manu, quoi, Mars. Il y a quoi d'autre encore comme phénomène paranormal chez toi? Ah bah, par exemple, les épingles sur le séchoir, et bah, elles sautent toutes seules. Les pinces à linge? Voilà, les pinces à linge, et ben elles sautent toutes seules. Mais haut? Sans raison. Comment? Elles sautent haut, genre 2 mètres, enfin. Ah elles bah, sautent, du séchoir, quoi. Elles sautent comme ça, quoi. Quelques-unes par-ci par-là. Non, pas tout le temps, par contre. Et d'accord. Et si tu mets ta chaussure sur une pince qui elle-même est sur le séchoir? Qu'est-ce que ça donne? J'essaierai, et puis je te dirai quoi alors. Bah, faut quand même. Et tu crois qu'il y a aussi un rapport avec l'oncle? Bah franchement, c'est depuis qu'il est parti, ouais, que ça le fait. Donc tu penses que l'oncle, enfin ton oncle communique avec toi via les passes à linge et les chaussures? Ouais, et puis bah il y a pas qu'avec moi, parce que il y a aussi ma tante. Une fois j'étais chez elle, on était toutes les deux dans la salle, et la salle de bain elle est pas loin, et par exemple son étagère juste au-dessus du lavabo, bah t'as entendu les flacons de parfum tomber alors qu'on était que toutes les deux chez elle. Quand tu sais combien ça coûte un parfum aujourd'hui, ton nom qui est un peu relou quand même là sur le coup, excuse-moi. Nico, c'est bizarre quand même comme fantôme, c'est-à-dire que moi je suis fantôme, j'essaie de faire d'autres trucs, quoi. Ah, et je pense, moi, alors je crois un peu à ces trucs là, mais je pense qu'il y a des fantômes top et des fantômes nuls. La mauvaise nouvelle du soir, ouais. C'est que tonton, peut-être qu'il était super en vivant, et en fantôme, il a des tout petits pouvoirs un peu nuls de. C'est-à-dire que t'en as, il faut, regarde, moi je vais faire soulever la grotte, et toi? Non, bah, moi je fais sauter les pinces à linge. Putain, tonton, quoi! Fais un effort! Tu vois, franchement, tu nous fais passer pour des cons, nous les fantômes! Ouais. Je veux bien essayer de la chaussure. Bah vas-y, fais voler la chaussure. Hein, j'arrive qu'à la faire bouger. Ah non, effectivement, tonton a des problèmes de fantôme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à part les pinces à linge et les chaussures? Bah une fois chez mes beaux-parents, ça arrivait aussi. En fait, il y avait une odeur de café qui flottait dans l'appart. Une odeur de café dans l'appart. Ouais, tu vois, comme si tu venais de faire du café et puis que voilà, quoi, ça embaume l'appart. Donc, pour rigoler, j'ai mon ami qui a dit qui est-ce qui a bu tout le café, et ça a dit c'est pas moi. Ouais. Donc, nous qui croyons que c'était son frère qui était dans sa chambre parce que mes beaux-parents travaillent, donc on va dans sa chambre pour aller le taquiner, bah, sauf qu'il était pas là. Il était chez sa grand-mère à ce moment-là. Bah, il parlait fort. Et on est. ouais, très fort, ouais. Et ce serait tonton. Ce serait tonton fantôme? Non. Ah. Ça, je pense pas que ce soit tonton, non. Mais c'est non, qui non, alors non. Oh là là. Mais c'est Gaspard, qui comment on l'appelle. C'est un pote de tonton fantôme? Ah, peut-être. Mais là, je vais te dire, on a bien eu les chocottes. Hein. Franchement. Moi, je comprends, parce que bon, autant la pince à linge, c'est pas gênant, mais c'est pas moi qui ai bu le café, là, ça devient emmerdant, quand même. Parce que, excuse-moi, hein, alors je ne sais pas qui est cette personne. Bon, on a compris que tonton en fantôme est nul. Ouais. Ok, il fait sauter que les pinces à linge. Maintenant, la blague de mettre de l'odeur de café et de dire c'est pas moi qu'on ait bu, est-ce que le pote fantôme de ton tonton est lui-même archi nul aussi? Est-ce qu'en fait, tonton, il n'est pas passé, en devenant fantôme, il n'est pas passé dans le groupe des fantômes que les autres fantômes trouvent pas terribles? Chez, ok, bah vous allez là-bas et vous faites vos blagues de merde pendant que nous, on va aller faire des trucs de ouf. Parce que la blague de c'est moi qui ai pas bu le café, c'est gênant quand même, oui. Sandy. Ah non, mais je te promets, hein, franchement, c'est vraiment arrivé, quoi. Oui, parce que je m'amuserais pas. Mais je te crois, non, sincèrement, ouais. Mais je te crois, mais c'est pas très drôle, quoi. Enfin, c'est pas. De dire c'est pas moi qui ai bu le café, c'est nul comme blague de fantôme. C'est des vannes de fantômes, c'est leur délire, c'est leur truc, ouais. Bon, ok. Ah ouais. Et puis en plein après-midi, hein, c'est ça le pire. On peut pas dire, ouais, que ce soit le soir, il se faisait chier ou quoi que ce soit, tu vois. Ah non, c'est vraiment. C'est en plein après-midi, quoi. La blague de merde de fantôme, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Oh, putain, je comprends. Et tu disais mon ami, donc t'es en couple? Oui. D'accord. Et il est à ton. Vous vivez ensemble avec ton mec? Oui. Il a pas. Il en veut pas un peu du coup à ton tonton? Il est pas un peu flippé, lui? Non, il est pas flippé du tout, parce que justement avant, quand on était chez mes beaux-parents, bah il y avait des trucs qui se passaient, en fait. Ah, aussi? Et que, bah ouais, bah justement, bah le fantôme qui boit pas de café. Hein? Et sinon. Ils ont des noms. Sinon, bah ouais, on l'appelle Gasper. Gasper. Je suis partout. Alors du coup, après, bah il y avait dans la chambre justement de mon copain chez ses parents où on s'amusait à regarder des vidéos justement de fantômes toute la nuit. Et du coup, et ben il y a eu un moment où on a entendu derrière nous. Non mais là, excusez-moi. Mais alors voilà, j'aimerais m'adresser directement à toi, Gasper. C'est pas Casper, hein, c'est Gasper. C'est Gasper. Gasper. Oh le Gasper. S'il te plaît. On comprend que tu aimes faire des blagues. On comprend que tu aimes déconner. Mais faire en plein après-midi, ça n'a aucun sens. Vraiment, Nico. Il aurait pu faire boue avec un drap. Je sais pas. Le gars, il est derrière. Le fantôme nul. Non, il faut que tu fasses quelque chose, Gasper. Franchement, discute avec Fantôme Tonton pour essayer de faire un truc un peu plus sympa, un peu plus funky. On est d'accord, Sandy? Ouais. Je t'embrasse très fort. Je te remercie beaucoup de nous avoir appelé, Sandy. Bah merci à vous de m'avoir accueilli. Et puis bah à lundi alors. Hein. À lundi. On sera là. Et lundi, je veux que tu sois là. Toi, ton mec, Gasper et Tonton, d'accord? Alors lundi, ça va être difficile parce que je vais être sur Amiens, donc Gasper, il sera peut-être pas là, et bon, maintenant plus. Hein. Et Gasper, il peut pas venir avec toi en voiture à Amiens? Ouais, mais est-ce qu'il va se manifester? C'est ça le truc. Ah ouais, c'est ça le problème. Ouais. Ah bah ouais. On va cesser là-dessus. Sandy, je t'embrasse, je te souhaite une très très belle nuit. Merci à vous aussi, toute l'équipe, et puis bah, de gros bisous à vous. Gros bisous. Il est minuit 5, les amis, on va s'en aller? Un moment. Il faut savoir partir. On va rester encore 5-6 minutes. On va se réécouter, comme Cédric me l'avait demandé, mon hit de l'été. C'est le morceau que j'ai découvert cet été. J'adore. C'est Sunset Suns. Il y a plein de gens qui demandent qu'est-ce que c'est. Sunset Suns. Nico, si tu peux le mettre sur Facebook ou sur Twitter. Je l'ai mis ou... tout à l'heure, je vais le remettre. Oh, merci. C'est génial, les grands esprits se rencontrent. Ouais, j'ai l'impression. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Bah alors. Ça s'appelle Remember, c'est ma découverte de cet été. Il est bien, ouais. Ah, tu vois, maintenant tu l'aimes bien, Auriane. Non, j'étais sceptique les 3-4 premières fois où je l'ai écouté, maintenant j'aime bien. D'accord. Non, excuse-moi, je regardais des messages. Non, je sais quand tu m'écoutes pas. Non, parce que j'ai des messages de mecs avec qui je joue sur ma PlayStation qui me disent tu viens jouer, on t'attend. D'accord. Donc, Voici Sunset Sun, c'est les minuit 6. Juste après, on se dit au revoir et il y aura Extravagance. I win, you lose. It's only for us two. I win, you lose. I remember days when we were all alone. If you would ever leave me, I would call your phone. We would talk for days and never leave my home. I think about. Reason to be strong upon. Always wondered if and when you break my heart, you would try and argue with me from the start. I can live without it. Come on and baby, take my hand now. Remember when we used to say now, swear it all be kind, I swear we always hide it. time of being disregarded. You wonder why I'm broken hearted. Been a time before we've been a since we started. Having fun with you, I'm so bizarre. But we can never be one with an open sky. I think about it. Never took the time to ever wonder why. Could have been the cause that we'd be laughing or crying. But we would never learn because we both denied. I can live without it. Come on and baby, take my hand now. Remember when we used to say now. Swear it all be kind and swear we always hide it. Get tired of being disregarded. You're broken hearted. I've been a time before, I've been a since we started. C'est mon hit de l'été que j'avais envie de le faire découvrir. J'avais envie de partager ça avec vous. Parce qu'on avait envie déjà de partager cette soirée avec vous. Il est minuit 10, on va s'en aller dans 5 minutes. Juste après nous, il y aura Energy Extravagance. C'est Tiesto, c'est ça, Fabien? Oui. C'est Tiesto? Il va s'installer, il va arriver. Oh bah très bien, très bien. Il paraît qu'il mixe avec son sexe. Oui, j'ai entendu ça. Et Avicii alors, on l'attend. Hein. Alors c'est sur Wikipédia, tu l'as mis sur Wikipédia. Ah oui, c'est bon, c'est validé. Bon, moi très c'est bien. Génial. Voilà. C'est validé. Ah mais ça. C'est Wikipédia. Si Wikipédia le dit, alors c'est que c'est validé. C'est vrai. Energy Extravagance, ça va commencer juste après nous. C'est Manu dans le 6-9. On est arrivé tout à l'heure. On t'a un peu saboté ton émission, Fabien. Bah, non, moi je vous en veux pas. Franchement, c'était que du bonheur. Et ça fait du bien de vous revoir un petit peu plus tôt. Mais nous aussi, ça fait du bien de. Mais qu'est-ce qui nous a fait. Il est gentil, Fabien. Il est sympa, Fabien. Je commence à vous aimer. Arrête, tu sais. Oh, je m'étais juré de ne jamais tomber amoureux sur mon lieu de travail. Mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est gênant. Sachez qu'on sera de retour avec toute l'équipe à partir de lundi, à partir de 6h. Mais on n'a pas pu attendre. On était là, on était à un dîner, on était bien, on discutait, on a pris un apéro, puis deux apéros, puis trois apéros. Puis Oriane a levé son verre en disant hey, envie de dire un truc. Je vous aime, vous êtes mes meilleurs amis pour la vie et tout. Et puis si on allait faire de la radio. Là, j'ai eu une super idée, je trouve. Mais tu sais quoi? Vraiment, oui. On a bien ri. Elle a dit si on allait faire de la radio. Et c'est vrai qu'en grand professionnel, j'ai dit on n'a prévenu personne. Et après, j'ai dit ok. Et donc, on est venu, on a coupé le hit des clubs. On a passé le numéro 1. C'est ouais, cool. Ça y est. Ça, quand même, c'est fait. Et voilà, on a passé 1h30 avec vous. On sera de retour à partir de lundi, dès 6h. Pour ceux qui sont. Pour les aficionados, on dit les aficionados, les pour les VIP, les connaisseurs. Les connaisseurs, on est là en fait avant 6h, à 5h55. Ouais, on peut pas vous en dire plus. C'est un truc très privé qui s'appelle le club du 555. C'est secret. Ouais. C'est secret, c'est uniquement entre nous qui sommes là à 5h55, on peut pas en dire plus. Faut être là. Entre 6h et 9h30, on sera là à partir de lundi avec évidemment toute l'équipe. Il y aura Oriane, il y aura Nico du Web, il y aura Valentin qu'on appelle plus Glandy à partir de maintenant. Ah, merci. Mais alors, on peut faire peut-être une parenthèse, j'ai du mal à dire Valentin. C'est vrai que c'est. Je suis d'accord avec toi, ça dit Manu, c'est très long à dire. C'est quoi, le temps que je dise Valentin, il faut que je boive un verre d'eau. Alors, il faut qu'on trouve un truc peut-être plus court. Vas-y, je vous laisse carte blanche. Valoche. Valoche. Non, Valoche, c'est dégueulasse. Moi, tous mes potes m'appellent Valou. Tous mes potes. Ah, mais on n'est pas tes potes. Et ouais. Est-ce que tu me comprends maintenant? Avant, je croyais. Valou, que... Valou. Valou, ah. Bah, Valou, c'est mignon, c'est pas d'une virilité sans nom, mais c'est sympa. Valou, c'est sympa. Valou, c'est pas mal, mais c'est pas le truc le plus ouf du monde non plus. Quand on était à l'école en cours d'anglais, on choisissait un prénom américain. Tu pourrais faire ça, Brian. Brian. Chris. Brian. Ça me va bien. Non, ou alors avec ton nom de famille. Ah, ouais, là, ouais, en plus j'ai un bon nom de famille. Chez moi, il a un nom de famille de ouf. Ouais. Il est très classe. T'es sur liste rouge avant qu'on donne ton nom ou pas? Oui, oui, c'est bon. Le nom de. Je suis pas sûr. Le nom de Valoche. Bon, il y en a plusieurs, hein, je pense. Ouais, il y en a plein, ouais. C'est Chevalier, ça pète, Chevalier. Ouais. Chevalier. Chevalier! Chevalier, ça va? Oui, je suis sur le dossier de la Socapec. ça fait très. Et en plus, excuse-moi, mais cette année, tu es assistant de production, tu n'es plus stagiaire. C'est donc, vrai. Donc, Chevalier, assistant de production, je trouve que c'est pas mal. Ça fait mec qui a pris du galon. Ouais, c'est pas faux. Mais tu aimes? Je commence à aimer. Imagine, on je est pas, là. Je suis pas habitué en fait. On est là, on est le matin, comme chaque matin. Il y a Oriane. Bonjour. Il y a Nicolas Webb. Ouais. Chevalier. Oui. Putain, non, non. Non, mais t'es pas obligé de faire oui comme ça. Il a pété les. Je me mets dans le rôle du chevalier. C'est un peu trop. On recommence. Soyez les bienvenus sur Énergie. Il y a Oriane. Et je suis là. Il y a Nicolas Webb. Salut. Il y a Chevalier. Hello. Pas mal. Ouais, c'est bien. Ouais. Cheva. Cheva, c'est bien aussi. Bon, on va voir comment on t'appellera. On va cogiter. Ok, ou alors le. Ouais, on verra. Ouais. Valentin, c'est trop long. Ouais. En même temps, ouais. Chevalier, c'est aussi long. Mais bon. On verra. Juste avant de partir, il y a Guillaume qui est là. Bonjour, Guillaume. Salut les Wawin. Salut, Guillaume. Salut, Guillaume. Bonjour, Guillaume. Tu sais quoi, on faut vite qu'on aille courir après Extravadance parce qu'il y a Tiesto qui veut mixer avec son sexe. On t'écoute rapidement, Guillaume. Oui, alors moi, voilà, j'ai passé des vacances de merde. Alors, je vous explique. Je suis parti au camping. Et malheureusement, on est parti sans rien, sans provisions, sans rien. Donc, on a décidé d'aller à la supérette du coin, acheter tout ce qu'il faut pour manger durant ces 4 jours. Et malheureusement, pour moi, il y a une rillette qui a tourné. Et malheureusement, j'ai mangé. Et donc après, bah, c'était la cata au chef du camping, en fait, comme ça. Et j'étais obligé de m'en aller avant la fin du séjour. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Ouais. Ça aurait été dommage de ne pas en parler. Ouais, ça aurait vraiment été. C'était très classe, mais voilà. Ça aurait vraiment été dommage de terminer cette soirée sans pouvoir te passer à l'antenne, Guillaume. Je pense que là. Je suis super content. Ah bah attends, et nous donc, franchement. L'histoire des rillettes au camping, quand ouais, même. Alors. L'image que vous avez de moi directement, quoi. Ah bah là, tu nous as fait rêver. Nico? Il aurait pu appeler pour nous dire coucou. Ben non, il va au-delà. Non, franchement, ça aurait été nul. Là, il y a une vraie histoire. Et c'est ce qu'on veut. Et oui, dès lundi, à partir de 6h, on veut des histoires. Guillaume, je te souhaite une très belle nuit. Et puis, passe un très bon week-end. On se donne rendez-vous lundi à partir de 6h. Merci. Ciao. Bisous. Fabien, est-ce que je peux me faire un kiff comme vous m'avez piraté l'émission? Oui, bien sûr. Est-ce que je peux lancer, ça, c'est solennel, là, oui. Le premier à lundi de la saison? Ah. Tu voudrais dire que c'est pas moi qui dis lundi et c'est toi et nous, on te répond? Ouais. Eh ben dis donc, Fabien, on prend des initiatives comme ça. La décision et... Excusez-moi, mais il a pris le melon, lui. C'est bon, ouais. On pète les plombs, Fabien. Nico, personne l'a jamais fait, hein, de l'équipe. Hein. Non. Là, t'es le premier, c'est compliqué. En même temps, c'est peut-être mon dernier jour à Énergie aussi. En même temps, on t'a saboté ton émission. C'est vrai. Ouais. Bon, on peut lui offrir. Ouais. On peut te l'offrir. On peut juste dire au revoir à vous. Oui, évidemment. Tu veux ma meuf? Non, tu me demandes. Oriane, tu sais le faire. Oui. Dire à lundi. Oui, oui. Voilà. Il y a un savoir-faire. Bah, il n'est pas non plus gogol. Hein, c'est très insultant. Tu sais le fait. Tu sais dire. Alors, à lundi. À tout moment, vous m'arrêtez si vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sera de retour à partir de lundi. On sera là de 6h à 9h30 chaque matin, toute cette saison. On va la démarrer avec vous. On avait juste envie de kiffer cette soirée avec vous. On était là, on était au resto et on se disait. Allez, on peut pas résister, on va venir faire un peu de radio, on va venir passer un moment avec vous. On a passé quasiment 2 heures. Et passez une très belle nuit, passez un très bon week-end, on reviendra encore plus en forme que jamais à partir de lundi, ouais. 6h. Vas-y. À lundi ! Vos votes vont désigner top DJ mondiaux. Qui allez-vous récompenser cette année? C'est David Guetta. This is Avicii. I'm Calvin Harris. Yo, this is Martin Garrix and you're listening to Énergie présente les Energy DJ Awards 2016. Votez maintenant et tout l'été sur energy.fr. Et le 12 octobre, dans le cadre du mix à Monaco, la plus grande cérémonie européenne consacrée aux DJ récompensera les meilleurs d'entre eux. Energy DJ Awards. Hit music only.